Bonsoir à toutes et à tous et bruit de micro désagréable mais c'est vrai. Et bienvenue ça commence bien pour ce 56e épisode du podcast du collectionneur. Bonsoir. Et c'est parti. Le bruit de voilà. Micro désagréable bonsoir. N'était pas de mon fait. Enfin, ce soir, une fois les parasites éteints, nous allons parler un petit peu, revenir sur un sujet qu'on a déjà évoqué par le passé via au travers de la Neo Geo. On va parler de SNK, la société ouais SNK, et on va parler un peu de ce qu'il y avait avant et de ce qui s'est passé après, des adaptations consoles multiples des jeux Neo Geo qu'il y a pu y avoir. Pourquoi on en parle? Parce qu'il y a une raison quand même. Ah, on en parle parce qu'il y a une raison. Bah c'est leur anniversaire. Ah. Oh. Du moins, c'était leur anniversaire. C'était leur anniversaire quand on avait décidé d'en faire un sujet. Voilà. Il y a trois semaines. On était bien, mais c'est un peu tous les jours leur anniversaire. Ouais, et ça. À la fin de l'émission, Boss Dick va nous parler d'un jeu. Ouais, non, c'est pas vrai. Je suis pas là d'ailleurs. Vous m'avez pas vu. Au revoir. Mm-hmm. Je pense que les auditeurs ont très peur. Non, c'est un vrai jeu. Mais avant, on va vous parler. On a énormément de news en stock, wow, compte tenu du fait que ça fait un mois que vous n'avez pas eu le plaisir de nous entendre. Ouais. Alors, désolé à l'avance si ça devient un peu indigeste, mais il y a quand même pas mal de choses dont on a envie de parler, et je pense dont on a envie de débattre un petit peu ici. Ouais. Parce qu'en plus, c'est des sujets intéressants. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, ça y est, depuis quelques temps. Tout le monde a décidé de faire toutes leurs annonces possibles pour la fin de l'année. En fait, c'est ça. C'est, ils se sont dit, tiens, ils n'ont pas fait leur podcast il y a deux semaines. Du coup, on va les submerger de news. Voilà. Et la punition. Ouais. Et bonsoir aussi, Coban. Et donc, salut chat, salut public, salut YouTube. Bonsoir le chat, bonsoir les enfants. Bonsoir. Et on va commencer au début par une news qu'on avait laissée de côté la dernière fois et que sur le coup, on va reprendre. Des nouvelles de l'Atari VCS. Oh punaise. Pardon. Alors moi, c'est le truc, honnêtement, je l'attendais plus. Hein. Personne ne l'attend. Mais c'est pas ça. C'est, j'avais oublié, en fait, à l'époque où ils avaient pas encore annoncé le truc, j'avais oublié que j'avais laissé mon adresse email, en fait, sur le site. Donc, ce qui fait que je reçois les mails, alors que j'en ai, pour le coup, un peu rien à cirer, je crois qu'on peut le dire. Mais voilà. Donc, ils repoussent encore une nouvelle fois la machine. Ouais. Alors attention, hein, on ne sait pas quand ça va sortir et tout. Alors par contre, maintenant, ils parlent de 4K, de... Ah non, mais écoute bien. Ils parlent de 4K pour afficher du Netflix. Bon, moi, quelque part, si tu veux, hein, c'est pas mon problème. Mais apparemment, il y aurait une nouvelle architecture AMD Ryzen dedans. Enfin bref. Bon. Ils prévoient un lancement en 2020. Ouais, si vous voulez les gars, je pense que là, plus personne, on en a quelque chose à cirer. Mais il me semblait qu'à un moment, c'était quand même hyper compromis la sortie de la machine, parce qu'il y avait pas de problème de droit et tout, et je pensais que c'était annulé. Ah bah écoute, honnêtement, quand j'ai reçu le mail, et j'ai vu que c'était une fois repoussé, c'est là où, fait, tout comme toi, où je me suis dit, ah bah en fait, ça existe encore ce truc. Ouais. Ok. Bon, honnêtement, je pense que pour Atari, il faudrait qu'il se passe quelque chose un peu comme ce qui s'est passé chez Gibson, le fabricant de guitares. Il faudrait quelqu'un, comment dire, à la tête de cette compagnie qui en ait quelque chose à cirer et quelque chose à foutre, en fait, du nom Atari et de ce qu'il représente. Si c'est juste un groupe d'investisseurs et des gens qui viennent pour vendre leurs produits de merde, bon, ben, quelque part, voilà, on continuera à avoir des trucs comme ça, quoi. Ce sont des investisseurs. Atari, la marque en tant que telle. Ah, bien sûr, oui, voilà. Ils sont en train de l'essorer, hein. Voilà. Je compare ce que je peux comparer. Gibson, ils étaient dans la merde il y a quoi, 6 mois, 8 mois. Ils ont totalement changé de direction. Apparemment, celui à la tête, c'est un passionné. Voilà, je pense qu'ils vont remonter la pente, il n'y a pas de souci. Je pense que ce qu'il faudrait chez Atari, c'est surtout quelqu'un qui ait du respect pour le nom, quoi, parce que là, c'est. Vas-y. Tout ce qui était Atari Flashback, c'était pas vilain, ça. Ouais, mais en même temps, émuler de l'Atari 2600. Je pense que c'est pas le truc le plus compliqué. Non, mais ça marchait quand même comme produit, il me semble. Tu vois, la qualité de l'émulation est correcte, mais la qualité des joysticks qui étaient avec, c'était discutable quand même. Ouais. Mais bon. J'espère qu'ils vont poser des filtres de lissage pour le 4K. Oui. J'ai toujours rêvé de jouer Astéroïde. Astéroïde en 4K. Ah, Astéroïde en 4K, c'est quand tu veux. Non, je dis ça, mais j'adore Astéroïde. Hein, donc, Ah, bah moi, ça, moi c'est un jeu, tu mets Astéroïde, si tu commandes des Berserk en 4K, j'y joue, hein, pas de problème. Hein. Décathlon, pour avoir une... Décathlon, ouais. Et je veux un filtre signal UHF. Hein. Ah ouais, carrément. Ça me paraît très important pour donner le petit goût d'avant sur ta télé 4K. Avec de temps en temps, tu sais, de la neige qui passe à l'écran parce que le canal est pas stable. Tu sais. Et quand il n'y a pas de temps, t'entends... Vous vendez du rêve, je sais. Ah ouais, mais si t'as ça, moi j'y joue, hein, pas de problème. Bon, j'y jouerai, j'ai pas dit que j'achèterai. Ils peuvent demander à JVC, ils ont ce filtre pour leur émission Geek to the Past. Oh. Faut pas en parler. Non, c'est pas bien, monsieur. Non, si, j'ai dit de mal. Nous ne rebondirons pas là-dessus. Voilà. On va continuer avec un big up, parce qu'on fait un big up nous ici, à l'ami Upsilandre. Ah oui. Qui donc à ses heures perdues manifestement a envie de voir s'il y a des choses qui sont possibles de faire sur une petite NES. Je vous mets le lien vers une ROM. Ah, t'as le lien court, toi. Ouais, j'ai mis le lien directement à la ROM. Vas-y, sur le tweet, c'est parfait. Il a démaké, comme on dit aujourd'hui, un petit jeu Super Nintendo qui s'appelle Axelay pour voir s'il était possible de faire une espèce d'équivalent au mode 7 sur la NES. Oui. Ça marche. Ça marche bien. Alors, c'est beau en plus. Hein. Il faut quand même savoir que son point, c'était de dire que Axelay, c'était pas du mode 7, en fait. Oui, voilà, c'était ça le truc. Hein. Oui. Voilà. C'était ça qu'il voulait dire, qu'il voulait prouver. Oui. Et du coup, en le faisant sur NES, voilà, il a dissipé le malentendu. Il a dit, regardez, c'est possible sans mode 7. Et c'est possible sur NES. Ça claque, hein. C'est très très beau. Vraiment très très beau. Ça claque. Donc ouais, big up à Upsilandre du coup. Ouais, c'est vachement classe. Mmh. On aurait aimé avoir un jeu comme ça sur NES à l'époque. Tu m'étonnes. Ah oui. Mais on voit vraiment la scène aujourd'hui démo et la scène des jeux modernes. Et c'est violent. Ça tabasse sévère. Hein. C'est hardware. On a vu notamment, même malgré ce qui se passe avec Watermelon, avec un Mega Drive, qui quand même a tiré aussi de belles choses... avec Pierre Solar de Mega Drive. C'est au moment t'as dit le nom, je me suis dit tiens, c'est comme l'Atari VCS, ça existe encore, quoi. Non, parce que... non mais on va pas en parler, on va... Non mais je sais ce qui se passe un peu sur ma tombe. Bah, tu nous diras en privé du coup. Et une des dernières infos que j'ai eues. Oui, bah, on va pas commencer parce que une des dernières infos que j'ai eues, c'est qu'apparemment il aurait du retard. Ah bon, merde. C'est étonnant, je ne sais pas quoi dire. Mais c'est de la lucidité aussi. Mais non, c'est de l'exclus, ça. La manière dont ça a été dit, là où je vais choper mes infos, ça me fait marrer, en fait, ça a été dit comme ça. Elle aussi, ok. Non, en fait, apparemment, la production aurait démarré. Vraiment, les cartouches sont en train d'être assemblées et tout. Et c'est là-dessus qu'il y aurait du retard. Voilà, c'est tout. passons, parce qu'il se passe tellement de trucs sur ce projet que je... Mais je vais vous faire partager mon fou rire que j'ai eu l'autre jour. Et donc, ça pourrait sortir, quoi. Oui, oui. Mais le coup, apparemment, il est en retard. J'ai eu du mal à m'en remettre. Voilà, c'est... Bon, on va continuer sur le déterrage d'un... j'avais envie de passer au déterrage d'un jeu qui n'est jamais sorti. Un jeu Atmosphere. Ah oui. Donc, semaine après semaine, depuis quelque temps, on voit apparaître des protos de jeux qui sont pas sortis. Et là, on parle d'un jeu Atmosphere sur la Super Nintendo. Pour ceux qui connaissent pas Atmosphere, c'est un jeu de société avec cassette vidéo à l'époque. Voilà. Et en fait, t'as un maître des clés qui t'interrompait pour t'insulter et te dire que t'étais nul. Non, mais et ça m'a fait rêver. Moi, j'y ai joué avec mes cousins. La première fois que t'y joues, ça marche vraiment, en fait. C'est vachement cool. T'as vraiment l'impression que t'as une interaction avec le mec à l'écran. Mais ça continue maintenant, ta version CD-ROM. D'accord. Et DVD maintenant. Okay. Ça continue toujours, hein. Maintenant tu l'as avec les DVD. Donc, c'est juste pour replacer ce que c'était Atmosphère. Mais t'as vraiment un truc qui te fout la pression, quoi. Bon. Un peu petit, donc facilement impressionnable. Ça te fout vraiment la pression, le truc. C'était vachement cool à l'époque. Et pas la raison, la pub. La pub. vachement bien. Ah ouais, elle mettait bien le produit en avant. On nous a tous marqué. Donc vas-y, continue, Billon. Non, mais l'adaptation ne semble pas du tout être un jeu de société. Par contre, c'est un jeu de plateforme, action. Ouais. Voilà. Donc sur le coup, je sais pas, c'était purement un support publicitaire. Sans doute. Bah, on sait pas parce qu'en fait, ils savent pas. On sait que ceux qui l'ont fait, c'était Beam Software. Ils avaient fait Shadowrun, des trucs comme ça, mais le jeu, il avait été mentionné dans quelques magazines, fin 93, début 94, et après, bah, on n'en a plus jamais entendu parler, et plus personne ne s'en rappelait, quoi. Et là, d'un coup, ils ont trouvé des éprums comme ça. En fait, c'est un certain Derix qui, dans sa collection, a trouvé des éprums totalement au pif, qui lui avaient été donnés il y a quelques années en arrière. C'est vraiment une pure chance, quoi. Et ouais, c'est dingue parce que le jeu est vraiment, enfin, il est tout à fait jouable. Hein. Donc c'est pas genre trois bouts de code qui se battent en duel, quoi. C'est vraiment, c'est beau de déterrer des choses comme ça encore. En 2010. Ah, c'est génial, quoi. Ben oui, il y en a trois. Et ils disent que c'est vrai, ouais, c'est un prototype du 12 juillet 94. Et ben. Bah c'est bien, ça veut dire qu'on pourra toujours découvrir des jeux inconnus. Ça fait toujours plaisir. Et alors, qui sait, dans quelques temps, peut-être une production de cartouches du jeu Atmosphère limitée. Je pense que c'est en cours. Je pense qu'ils sont en train de faire le nécessaire pour pouvoir lâcher une version enlevée avec sans glitch, sans quoi que ce soit, un truc propre, quoi. Bah moi, je serais curieux. J'aimerais bien y jouer. Donc, qu'est-ce qu'on avait après comme news ? Qu'est-ce qu'on avait après ? J'avais envie de reparler de ces vidéos qui ont été déterrées. Je vous mets la news Nintendo Town. Il y a un Japonais qui a décidé de dumper ses cassettes vidéo, on peut dire ça comme ça ? De numériser plutôt ses cassettes vidéo. Ouais. Et qui a retrouvé une vieille émission télé de l'époque. Ah oui. Dans laquelle on voit le jeune et fringant Shigeru Miyamoto présenter un prototype de Super Mario 64 et de Super Mario RPG, qui sont des vidéos, donc des images extrêmement rares, d'autant plus qu'à l'époque, donc, on était plutôt habitué à voir des images fixes. Là, on a carrément des vidéos, des trucs qui tournent. Et bon, alors c'est particulièrement long à regarder, vous pouvez skipper ou mettre la vitesse x2 sur YouTube si vous ennuyez un peu, je comprendrai. Mais c'est un document assez intéressant. Alors, évidemment, pas de sous-titres non plus disponibles, on va pas rêver. Hein. Mais c'était juste un petit témoignage intéressant, toujours pareil, de se dire que... Il y a des petites chaînes comme ça sur YouTube ou des personnes qui sont encore prêtes à dumper à numériser des cassettes vidéo, des émissions qui semblaient oubliées, perdues, comme ça. Je suis tombé pareil il y a quelque temps aussi sur une chaîne YouTube qui fait ça avec des prestations de groupes de métal dans les années 80 et 90. Dans des émissions un peu partout au monde, en Allemagne, en Pologne. T'as une chaîne Twitch que tu connais qui fait ça? Le jeu, c'est sérieux. Tous les vendredis, Laurent, il fait session VHS. Où il regarde toutes les VHS qu'on lui envoie. Il essaie de récupérer toutes les pubs de jeux vidéo qui existent pour les numériser et les mettre à dispo sur YouTube. Il y a un grand revival en ce moment des vidéos cassettes et d'essayer de retrouver des émissions, des choses comme ça, qui sont vieilles. C'est quelque chose qui se fait bien, là. C'est bien, c'est voilà. Encore une fois, il y a des choses qu'on a, il y a des choses qui nous manquent. Donc c'est vrai que c'est un petit peu comme, on en parle moins maintenant, mais des sites comme Abandonware Magazine qui sauvaient aussi le magazine et qui ne sont pas complets. Aujourd'hui, Abandonware Magazine, il y en a encore des numéros qui manquent. Et je suis sûr qu'il y a des gens chez eux qui ont ces magazines-là. Oui, totalement. Mais c'est super agréable de se replonger là-dedans en plus. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ouais, moi aussi. Et ça, c'est parce qu'on est vieux aussi. J'aime bien rire. Bah, c'est la je dis pas où, mais c'est ça, mais c'est totalement ça. Et ça marche bien sur nous, quoi. Donc, qu'on avait d'autre ? Est-ce qu'on va parler du service ? Donc, Chou, tu avais mentionné un service de streaming. Ouais. Alors, on en avait déjà parlé lors d'un précédent podcast, donc il y a un truc qu'on va se mettre en place qui s'appelle OnStream. Qui en fait, on va dire, une sorte de Netflix du rétro gaming, pour parler brièvement. Ils annoncent un catalogue de 2000 titres. Alors, au tout début, j'ai été un peu sceptique. Mais en fait, il y a apparemment une équipe dedans qui a l'air un peu quand même sérieux. Il y a un ancien de chez Eidos. On a quoi d'autre? Un ancien de chez Sega Europe. On a quoi? Un ancien banquier d'affaires. J'ai vu qu'il y a vraiment pas mal. Il y a pas mal de trucs qui ont l'air quand même un peu sérieux. Faut voir, par contre, au niveau des licences qui sont annoncées, ça a l'air plus ou moins, enfin, et des jeux, ça a plus ou moins l'air des trucs de, comment dire, des micro-ordi de l'époque, genre Commodore 64, toute l'Amiga. Je vois du Speedball 2, je vois du Zool, je vois du California Games, du Joe & Mac, Gods, je vois aussi, donc, ouais. Je vois qu'il y a Ian Livingstone. C'est le même Ian Livingstone qui écrivait les livres dont vous êtes le héros. Je sais pas si c'est le même. Parce que là, c'est un auteur de jeux de rôle et créateur de jeux vidéo britanniques. Donc il y a des chances que ça soit lui. Ouais, il y a peut-être des chances. Ouais. C'est. Ça bon, m'intrigue. Ça m'intrigue. Il faut dire que le projet avait déjà été annoncé il y a un petit moment. Leur objectif, c'est 50 000 dollars, je crois, un truc comme ça. Enfin là, c'est 57 000 euros. Ils en sont à 43 000. À 22 jours de la fin, je sais pas trop si. Voilà. Après, effectivement, est-ce qu'il y a un public pour ça? Il y a un public pour ça, mais le problème, c'est comment dire, tous ces jeux, Commodore 64, même sur Amiga ou quoi, il n'y a pas vraiment d'exclus, je veux dire. Hein, c'est. Netflix a de l'intérêt pour certaines personnes parce que tu as des séries qui sont exclues sur Netflix. Bah après, là, ça joue, comme on disait, la nostalgie. Là, on est vraiment dans la pure nostalgie. Et j'ai vérifié, c'est bien le Ian Livingstone. C'est des livres dont vous êtes le héros. Qui a merci pour la conférence. Donc voilà. En fait, ce qu'ils annoncent, même qu'il y aurait donc, admettons, pour un jeu comme genre Double Dragon, ils annoncent qu'il y aurait donc plusieurs versions en fait du jeu. Version arcade, version Commodore 64, enfin bref, etc. etc. Ils annoncent que ce serait dispo sur PC, Xbox One, mobile, enfin tout ce qui est smartphone, voilà. Ouais. J'allais dire, là où c'est sympa, c'est bon, il y a beaucoup de Spectrum, de Commodore 64, choses comme ça, mais il y a aussi des versions arcade de certains jeux. Il y a pas mal de trucs d'arcade, ça pourrait être sympa. Là, je vois du c'est un petit peu aussi la mode de faire des. Je vois du Fatal Fury, des trucs comme ça, des trucs qui sont pas trop mal, honnêtement. Hein. Ouais, à voir. Wait and see, je vois par exemple beaucoup de Data East. Apparemment, Data East est dans l'affaire. En même temps, je crois que Data East, tu leur donnes un saucisson et une. Voilà, et ils acceptent, je pense, y a pas de souci. Il y a quasi l'intégrale Dizzy aussi chez Codemasters. Là, je vous vends bien. Ici, vraiment, vous avez envie de vous faire mal. Pourtant, j'aime bien les Dizzy, mais là, c'est genre plus. Non, mais c'est ce que j'ai envie d'y rejouer maintenant. C'est pas ça, je crois que c'est le deuxième ou le troisième podcast d'affilée où dans les news, on a un truc sur Dizzy, quoi. Ouais. C'est parce qu'on l'aime d'amour. On veut pas le dire totalement, mais on l'aime. Et d'ailleurs, il nous manque. Dizzy la peste. D'ailleurs, la VGN, sa dernière vidéo, il en parle aussi un peu de Dizzy. Oui, effectivement. Avec cette fameuse arnaque de NES, là. Pour citer quelques survivants, comme les œufs, les temps sont durs, voilà. Ouais, c'est ça. Pas mal, PG. Grand philosophe ce Ken. Bon, on va passer à la news un peu plus costaud. C'était la sortie de Recalbox 6.0. Pardon, monsieur. Ok, au programme. Alors attention, parce que moi quelque part. Alors moi attention, quand il s'agit de dire du bien, ok, mais quand il s'agit de dire mettre une crotte de nez, il n'y a pas de problème. Bon, les gars, si vous faites un plan communication. Et que vous annoncez, il y a l'Atari Jaguar! Mais que c'est que sur PC et que vous n'êtes pas capable de le dire en grand pour que les idiots comme moi puissent le lire, ben faites pas un tweet, faites rien. Vous dites juste, voilà, il y a la version 6, regarde ce qu'il y a dedans et fais pas chier. Bon, je suis désolé, mais bon, c'est relou, quoi. C'est relou. Vous pouvez quand même marquer correctement ce qu'il y a dans les différentes versions, parce que sinon. Bon, du coup, je suis passé à la version 6. Au niveau des nouveautés, il y a la télévision, ça marche. J'ai testé. Alors attention, c'est pareil aussi. Hein. Ils ont mis 3 jours à donner les instructions de l'émulateur. Parce que ceux qui ne connaissent pas la télévision, tu lances le jeu et il ne se passe rien. Ben oui, c'est normal. Il faut que tu aies accès au clavier numérique pour mettre, par exemple, un joueur et tout machin. Mais attention, il te faut que ta manette ait un bouton préconfiguré pour passer de manette 1 à manette 2. Et oui, parce qu'en fait, il y a des jeux, tu as l'impression que tu les as lancés. une fois que le jeu est lancé, tu peux pas bouger. C'est normal, il faut que tu prennes en manette 2. Comme sur Commodore 64, j'ai l'habitude, voilà. Pour ça, j'ai compris très vite. Il y a des nouveautés, enfin des nouveautés pour ceux qui avaient le Recalbox de base, Vanilla, on va dire. Que bon, l'Atari 8 bits, donc les Atari 400-800, moi j'ai ça depuis 2 ans hein, sur Recalbox. Pas vraiment une nouveauté. La nouveauté Neo Geo CD, je trouve pas que c'est vraiment une nouveauté exceptionnelle. Et j'ai encore le tweet d'origine où il t'annonce l'Atari Jaguar. Voilà. Il y a quoi d'autre? Le Fairchild Channel F. Donc, bon, voilà. Il y a pas mal de petites nouveautés qui sont sympas. Il y a aussi une nouvelle version de Kodi pour ceux qui utilisent un RP comme Media Center. Kodi est très bien. Je dis juste ça ouais. Comme ça. Kodi est très très bien. Après, la nouvelle interface, le nouveau thème de Recalbox 6, c'est vraiment pas mauvais. Moi, je l'aime bien. Il y a toujours des petits bugs. Alors, ils ont mis aussi une compatibilité accrue avec les manettes 8-bit Do. Non. Ça veut dire que ça se connecte automatiquement. Clairement, j'en ai deux. J'ai un pote qui en a une aussi. On les a ramenés. C'est toujours autant la merde qu'avant. C'est toujours aussi aléatoire. C'est, okay. Tu vas la connecter en 5 secondes. Comme ça peut prendre 2 minutes. Bon, oui, parce que moi, ça m'arrive régulièrement où elle va être déconnectée. J'ai eu le bug, mais génial, où j'étais obligé de formater ma SD parce que je ne pouvais plus connecter mon Raspberry, même en Ethernet. Ça, c'est ballot, ça. Ça, c'est formidable. Donc, j'étais obligé de formater, je n'ai pas compris. J'ai dû tourner en retour. La vérité, tu vois. À tes souhaits. Mais il y a quand même des trucs qui sont sympas. On n'est plus obligé de dézipper les ROM. Voilà. Ça gère enfin le support 7Z. C'est bien, ça c'est pas mal ça. Ouais, voilà. Et il y a le mode démo qui est par contre génial. Grosso merdo, si il faut aller bidouiller une option, et ben en fait, quand vous touchez pas la manette pendant une minute ou deux sur l'écran d'accueil, ben Recalbox te charge un jeu au pif. Si t'as envie d'y jouer, t'appuies sur Start pour jouer, ou si t'as pas envie de jouer, ben en fait, t'appuies sur un autre bouton et ça va revenir au menu et ça va recharger un jeu. Ah, c'est pas mal comme feature. Ça, c'est vachement cool. Même derrière, tu sais, il y a parfois des jeux où t'as genre une petite musique avec, voilà. Donc ça m'arrive de temps en temps à allumer le RP et puis à laisser tourner pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour découvrir des trucs. C'est très sympa. Ok. Et donc vous voyez que j'ai pas dit que du mal. Voilà. Mais non. Et puisqu'on est dans le Raspberry Pi, Chou, tu peux parler d'un boîtier. J'ai découvert ça ce matin. Alors attention, là, moi, je pense que je vais être à la frème de la frème. Je pense même que je vais les harceler sur Twitter, savoir s'ils en donnent pas. Retroflag, pour ceux qui ont connu, qui connaissent les boîtiers qui s'appellent Super Pi Case ou Mega Pi Case, qui sont des boîtiers en forme de mini Super NES ou mini Mega Drive ou mini NES aussi. Des boîtiers excellent. J'ai un membre de ma famille qui travaille dans l'injection plastique. Même lui a choqué et a regardé le boîtier sous toutes ses coutures pendant une demi-heure. Et là, ils annoncent un truc en forme de Game Boy avec apparemment un écran déjà dedans. Donc en gros, il y a juste à claquer un Raspberry Pi 0 ou un 0W, à foutre des piles, configurer le RP et roule Pedro, comme on dit. Et j'ai super envie de tester ça. Ça a l'air super et ça s'appelle GPI. Case, voilà. J'ai mis ton lien sur le chat. Ok, nickel. Je sais pas quand ça sort apparemment, mais voilà, moi je suis hypé. Parce que j'ai envie de me faire une Game Boy Zero, comme on appelle ça. Une Game Boy avec un Raspberry Pi Zero. J'ai envie de faire ça depuis très longtemps. J'ai un pote qui a essayé il y a pas longtemps de le faire et on va dire que ça s'est mal passé, mais il avait pris de mauvais types d'écran et du coup c'est. Voilà. Et ouais, je vous en reparlerai quand ça sortira, mais en tout cas moi je suis hypé. Violent, okay. C'est violent. Bon, pour rester dans le domaine de l'émulation, je vous mets une vidéo et vous allez trouver ça magique, les gens. Regardez ça. Parlez. Merci aux personnes qui s'occupent de l'émulateur BSNES qui, dans la version 107.1 bêta 1, ont intégré un nouveau mode HD pour le mode 7 de la Super Nintendo. Ouais. Et cette vidéo que vous voyez sous vos yeux, c'est Pilotwings devient enfin regardable. Alors, Il était regardable. Ça suffit, monsieur. C'était une bouillie de pixels. Ouais, mais c'était de la bouillie de pixels qui était regardable sur une sur un CRT en 240p quoi. Voilà. Je précise un truc vite fait. La vidéo elle s'affiche pas sur le stream. Voilà. Ne réglez pas votre écran. C'est normal si vous ne les voyez pas. Oui, il faut que les caisses s'adaptent à l'air. C'est vrai que j'aurais pu prévoir un truc, mais voilà. Désolé. Ma faute. Tout ça, c'est déjà bien quand on regarde avec Mario Kart ou avec F-Zero, ou même Secret of Mana. Mais alors, pour moi, quand j'ai vu la vidéo de Pilot Wings, c'est là que je me suis dit « Ah ouais, c'est une bonne idée, tiens. » Ah mais tu sais qu'il y a un autre jeu qui pourrait en bénéficier. Final Fantasy VI, avec son couloir de la gerbe. Oh là là, ouais, mais alors lui, il est foutu. Je crois même en acheter, c'est fini. tu parles de la fuite dans le cas... Oh là, mais c'est la seule. Chariot. Mais je pense que même ça doit pas être rattrapable parce que c'est vraiment. Non, je crois pas. Je sais pas. Mais je serais curieux. Je serais vraiment curieux. Ouais, mais c'est immonde. C'est une horreur. C'est parce que c'est même pas une question de lissage ou tout ça. Il y a l'animation, pas quoi. Il y a rien. C'est complètement foiré. Et bon, tout ça pour dire que c'est ça. Alors là, on est dans l'amélioration pure des jeux rétro, avec la création d'une espèce de mode 7HD. C'est. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est plutôt agréable à regarder, c'est plutôt bien fait, en gros, moi, quand j'ai vu ça, je me suis pas mis à hurler au blasphème à en sortir mes croix et à me mettre à la recherche de la personne qui a fait ça en disant « Ah, oh, c'est une honte !» Non, je trouve ça plutôt bien. Le Rêve Zéro, c'est assez bluffant, je trouve. Sur Mario Kart, il y a un sentiment à moitié chelou. Le jeu... bizarre. Un des premiers jeux de la PlayStation, c'est tout moche, enfin je sais pas comment dire, c'est très bizarre. Mario Kart. Oui, c'est tout moche. C'est trop lisse. On n'est plus habitué, tu sais. Oui, mais moi, il y avait beaucoup de techniques, tu sais, en émulation qui permet de lisser, tu sais, un peu les pixels et tout ça, qui est le même principe. Attention à ce que tu vas dire, petite pelle, attention au prochain mot qui va sortir de ta bouche. Tu peux prendre tes précautions, effectivement, c'est que moi je n'aime pas ça. Ah, tu n'aimes pas ça? Ah, oui. Tu préfères que Pilotwings soit impossible à regarder? Mais non, mais moi, je préfère jouer au jeu d'origine. J'aime pas ces trucs de lissage de pixels. Moi, je trouve ça plus beau, mais sans plaisanter. Hein. Je trouve ça plus qu'il allait dire qu'il trouvait ça trop beau, les filtres 2X, 4X, sur ZSNES, et j'ai failli le kicker. Voilà. Mais non, non, c'est le contraire. C'est le contraire. Oh, je trouve ça dur. Il trouve le dernier Secret of Mana magnifique. Non, mais c'est pas vrai en plus. Arrêtez de vous battre. Même pas vrai. Non, mais justement, Ikoman a raison, ça se bat sur un pixel moche. Mais oui. Ouais. Mais oui, on est bien d'accord. Salut Ikoman. Totalement d'accord avec toi, Ikoman. Faire regarder tout en pixel d'origine. Ça me gêne de jouer au jeu transformé. Quoi. Mais bon, c'est qu'un ressenti. Un pixel, il est ni beau ni moche, il est carré. C'est ça. Mais là, on n'est pas vraiment dans une technique de lissage, on est dans, je sais pas comment dire, une technique de. Oui, je sais. Essayer de rendre les choses. Parce que, en vrai, c'était une bouillie de pixels, mode 7. J'ai l'impression que c'est la même chose qu'il fait sur Final Fantasy IX, par exemple. Non, pas Square Enix, les modeurs PC, attention. Avec un apprentissage d'IA et reconstruction d'images. Ça a un peu cette gueule-là, mais je sais pas, je me suis pas renseigné en fait sur le truc. Pour Doom, jamais de bol, je m'en rappelle même pas comment il tournait, donc je serais incapable de te dire. Tu ne veux pas jouer à Doom, Super NES. Doom sur Super NES, c'est dur. Je suis pas un joueur de Doom, donc après, j'ai jamais joué sur Super NES. Ouais, non, mais Doom sur SNES, ouais. C'est un peu comme les modes FPS de Jurassic Park. Ah ouais, ça c'était une belle bouillie pixel. Non, ça passait bien parce que c'était assez lent. Dans le déroulement de Jurassic Park, ça passait bien. C'est pas un super compliment, c'était ça peut être lent, posé, ça peut être un compliment. Par contre, Doom, c'est pas censé être lent, posé et saccadé. Voilà. Donc je ne sais pas. Doom SNES n'est pas la pire ignominie du monde quand on sait que c'est une version qui tourne mieux que la version Saturn ou la version Jaguar en termes d'FPS. Bon. Le jeu il avait été optimisé pour la SNES, ce qui était un tour de force. Hein. C'est moche, hein, mais ça tourne à peu près bien. C'est ce qui est paradoxal. Bon, c'est que, peut-être que l'un et l'autre ensemble, c'est ça l'idée. Et les musiques sont relativement cool. qui ne gâche rien. Mais bon. Et l'autre détail de Doom Super NES que vous n'avez pas envie de savoir, c'est que vous pouvez y jouer à la souris. Sauf que sur le coup, il faut appuyer, mettre la souris vers l'avant, la décoller du sol, la remettre à l'arrière et vers l'avant. Et vous pouvez tourner, tirer, avancer, reculer avec la souris. Et vomir. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, c'est tout. Puisqu'on parle de Doom, là, c'est parti. Là. Vous avez vu ce mode de Doom sur PC qui permet de générer des cartes avec son robot aspirateur? Sérieux? Wow, vous générez des maps de Doom avec je sais plus quelle marque de robot aspirateur. Mais qui peut... ouais. Comment on en arrive à faire c'est à ça? Mais c'est stylé. Non mais sans déconner, mais c'est mortel, mais quoi. Comment tu penses à ça? Qui a un esprit à cette ordre? Non mais Bosdick, imagine dans Doom tu pourrais avoir une map en fait avec l'emplacement de la litière du chat. C'est révolutionnaire, c'est dingue. Ah non, il y a des gens, ils ont des idées, elles sont magnifiques. C'est clair. Tu pourrais jouer dans le jeu, tu dis, ah tiens, ça c'est l'endroit où le chat il fait ses besoins, tu vois. passons à l'autre news que je sais pas ce que c'est. Que c'est de quoi je pense? Ah, alors on va ensuite parler d'une chose dont il est trop tard pour parler, c'est ça qui est bien. Donc, il y a des jeux mythiques sur la Sega Mega Drive du bien, et on va parler de l'un d'eux. Qui est un shoot'em up qui s'appelle Glaylancer, de la société Masaya. C'est tellement cool. Masaya qui ont fait les Shohaniki, entre autres. Ah. Voilà. Continue. Et donc, et qui a fait aussi le. Ah, comment il s'appelle? Shubibin Man. Non, le jeu qui est sorti avant Glaylancer. Non, c'est. Le. Ginoog. C'est ça. Ginoog est très bien. Voilà. Et donc, Glaylancer est un des shoot'em up de la Mega Drive qui était exclusif au. Territoire japonais, qui est très réputé pour ses qualités ludiques, réellement, et qui a acquis au fil du temps donc une solide réputation auprès des joueurs, et qui a vu sa cote monter de manière assez importante. Aujourd'hui, en gros, un exemplaire complet en parfait état se négocie autour des 500 euros. Et donc, on a droit à une réédition. Alors, une réédition non pas officielle Sega, entre guillemets, ça bien sûr que non, il n'y a pas la licence, mais néanmoins, une réédition de qualité qui est faite par une société japonaise et qui va proposer donc un visuel différent au niveau de la pochette et de la cartouche pour éviter évidemment qu'on ne confonde le jeu original et sa réédition. S'ils n'en sortent pas leur coup d'essai, ça va normalement, ce qu'ils font, c'est de la bonne qualité. Le problème, comme je dis, c'est qu'on en parle trop tard, c'est que maintenant, pour le commander, ça va être compliqué. Puisque Ninin n'en a plus, PlayAsia n'en a plus, et on pouvait le commander sur Amazon.co.jp, mais il n'était livrable qu'au Japon. Voilà. Donc malheureusement, si vous l'avez loupé, cette news intervient un petit peu trop tard, mais on ne sait jamais, peut-être que lors de la sortie du jeu, des boutiques comme Ninin ou PlayAsia pourraient peut-être restocker quelques exemplaires en plus et en avoir. Il vous en coûtera normalement autour de 50 euros hors frais de port pour le jeu, ce qui n'est jamais que 10% du prix de la version rétro. Bah, pour un jeu en boîte et tout de cette qualité, ça les vaut amplement. Ah, oui. Oui, il est très, très, très cool. En plus, il a vraiment des intros et des scènes intermédiaires à la Fantasy Star 4, avec des scènes type manga, avec un graphisme très années 90 qui est superbe. T'as des vrais moments animés entre les niveaux. Il y a une musique qui défonce tout. Il y a le jeu qui s'ouvre sur le premier niveau. Vous avez 158 parallaxes et sur la seconde moitié inférieure de l'écran, vous avez une déformation parce qu'on est sous l'eau. Donc il mérite aussi son. Très bien. C'est vrai. C'est vraiment un très beau jeu, quoi. Donc on va attendre ça. J'en ai commandé un exemplaire. Monsieur Pell ici présent aussi. On aura l'occasion de vous en reparler qualitativement. Mais oui. Lorsqu'on recevra ça, ça sort début juin. Voilà. Bah oui, parce qu'en plus, c'est Masaya, hein, comme tu disais, hein, le créateur. Et c'est à eux aussi qu'on devait le Hellfire, hein, que j'avais commenté à son. Et c'est à eux aussi qu'on doit Hellfire, dont Pell nous a vanté les mérites. Surtout il y a si longtemps. L'OST. Donc voilà, tout se tient. Et Fire, auquel j'ai pu jouer récemment, et il n'est pas gratuit. Non, il n'est pas gratuit. Et d'ailleurs, à propos de gratuit, je n'avais pas précisé, mais il ne code pas le Hellfire, contrairement à Glenfer. Et pour continuer sur la réflexion des shoot'em up Mega Drive, donc on a parlé un petit peu avec elle par rapport à celui-là, vous en avez un autre qui est devenu légendaire, mais pas pour ses qualités ludiques, mais uniquement pour ses qualités de rareté. Mais ouais. Si un jour vous pouvez nous faire une petite réédition d'Eliminate Down, ce serait sympa. Ah oui, ça éviterait de dépenser plus d'un SMIC pour se l'acheter. Oui, parce que là, il y a des jeux chers, mais il y a des jeux inaccessibles. Et lui, il en fait partie. C'est juste fou. Ça fait partie des légendes. Mais par contre, ludiquement, il n'est pas au niveau d'un Glaylancer. Loin s'en faut. Voilà. Ensuite, on va passer à notre ami docteur professeur docteur. Et on commence. Professeur, professeur Abrasive. On rigole plus. Eh ben ouais, alors ça va être rapide, hein, parce que c'est un projet que j'aime qui me tient beaucoup à cœur. Donc, on en a parlé plein de fois. Le fameux projet Satiator, le projet pour jouer au jeu Saturn via USB, on va dire, en gros, hein, en carte SD. Eh ben, la dernière fois, il avait des problèmes de PCB. C'est bon, c'est résolu, il a trouvé une usine qui fabrique ses PCB exactement comme il veut. Il a les prototypes de case, de boîte pour mettre le PCB dedans et puis le brancher au cul de la console. Tout est prêt, tout est sur en bonne voie, quoi. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, c'est plié, hein, ce projet. Il est sorti, il est chez nous, quoi. Ça, c'est bien. Donc des bonnes nouvelles. Oh, bah, j'ai hâte. Ah. Et donc c'est bien, on va pouvoir se passer d'un lecteur disque sur la Saturn, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Oui, oui. C'est ça. Et donc justement, on va pouvoir jouer à la Saturn. Ah. À la Saturn. À la Saturn. Avec les manettes. Oh, gros dossier. Oh, voilà. Attention. Attention. Du lourd, là, attention. Ouais. Donc, les manettes, les reproductions de manettes officielles Retrobit de la Saturn. Ça, à la fois les versions USB pour PC, Mac et Dieu sait quoi qui prend de l'USB. Ça marche même sur PS4 apparemment, ce qui se pose la question. Et les versions originales pour la console Sega Saturn en deux coloris noir et skeleton sont sorties officiellement en Europe et nous avons reçu, enfin moi et Moa en tout cas, nos exemplaires. Ouais. Alors, et ça marche parfaitement bien. Parfait. Il se trouve que les choses ne se sont pas passées de la même manière pour tous les deux. À savoir que Moa n'a aucun souci avec son exemplaire. C'est ça. Et j'ai personnellement eu un petit problème technique avec les deux manettes que j'ai reçues, à savoir une croix de direction qui se barre au bout de, à peu près, entre 30 secondes et 2 minutes de jeu. Ça fait... En mode, tu es en train de jouer, et à un moment, tu fais « Ah, mais c'est mou quand même », et tu te rends compte que tu as la croix de direction dans la main, littéralement. Bon. Après m'être renseigné, d'avoir passé la journée un petit peu à me renseigner, à discuter à gauche et à droite, Retrobit a pris contact avec moi, donc on est en train de parler. Apparemment, ce serait un souci sur les manettes que j'ai reçues et j'aurais vraiment pas de chance d'en avoir reçu deux qui n'auraient pas été correctement fabriquées. J'aurai l'occasion d'en reparler. C'était encore une fois dans ce... Pardon ? Non, mon avis, c'est... On fait une série de types de croix-là défectueuses. Mmh. Et t'es tombé sur un lot de manettes qui en a eu d'autres. Enfin, voilà, je pense que j'ai peut-être juste pas eu de chance. J'en reparlerai, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, ils sont pros, il n'y a pas de soucis, ils ont pris contact avec moi vite, ils sont réactifs, tout ça. Ils commencent à parler au moins d'un échange ou d'un remplacement, en tout cas des manettes défectueuses. J'aurai l'occasion d'en reparler. Donc pour l'instant, toi, moi, qu'est-ce que t'en penses qualitativement ? Moi, j'ai jamais eu de manette de Saturne neuve, je tiens à préciser. Mais par contre, par rapport à celle que j'ai, je trouve que le feeling est très bon, voire limite, c'est le même. Il y a les boutons L et R au début, je me suis dit, ah, mais ils sont à moitié chiants. Mais en fait, c'est pareil sur ma manette de Saturne originale. Donc j'ai envie de dire, le feeling est respecté. Les boutons répondent bien. La croix est vraiment stylée. Moi j'aime bien. Okay. J'ai rejoué à des jeux, c'est pas la console que je connais le mieux, mais j'ai rejoué aux jeux que je connaissais, que j'avais déjà fini, et ça répondait très bien. Et je dirais même point positif, Pour moi, en tout cas, le câble est quelques centimètres plus long. Je pense une dizaine de centimètres. Les câbles font 3 mètres. 3 mètres ? Ah ouais, bon, 3 mètres de long. Voilà, bah, c'est plus long. Ouais. Donc c'est bien. Moi, je suis content. À noter, donc oui, niveau de la croix direction, pour moi, je les ai trouvées trop molles, mais c'est normal, c'est parce qu'elles ne tiennent pas. Voilà. Donc j'en parlerai une fois que j'aurai des exemplaires qui fonctionnent bien. L'autre petit détail, les modèles USB sont compatibles direct input et cross input. Pour passer de l'un à l'autre, il faut maintenir le bouton start de la manette appuyée pendant 5 secondes. Quand elle est connectée à l'ordinateur. C'est pas marqué sur la boîte, c'est pas marqué, il n'y a pas de manuel, rien n'est marqué du tout. Il faut aller pêcher l'info sur le site du constructeur. Voilà. Oui, d'ailleurs, tiens, puisque tu en parles, le bouton start est un petit peu dur, je trouve. Ouais. Ouais, des fois, j'ai l'impression qu'il va rester bloqué, mais en fait, non, mais c'est très bizarre. Je sais pas si c'est. C'est pas gênant, hein. De toute façon, start, c'est pas le bouton. Utilisé, c'est pas non plus c'est pas t'appuies dessus, il reste bloqué 15 secondes. C'est j'ai l'impression qu'il y a une petite résistance à la remontée, mais pas méchant. Mais voilà, rien de signalé. Et donc, pour continuer là-dessus, donc on attend toujours les modèles Mega Drive slash Genesis qui apparemment sont dispo aux États-Unis, mais qu'on n'a pas encore en Europe, qui devraient sortir le mois prochain. Et en même temps, je vais directement faire. Je vais tweeter. Est-ce que je. Ouais, bon, allez, tant pis, je repique le tweet de Choco Bonplan, même si ça va lui faire des sous. Les manettes Nintendo 64 sont en précommande sur Amazon. Également en deux versions, c'est-à-dire connectique d'origine et USB, en trois coloris différents, rouge, bleu transparent et vert transparent. Ce ne sont pas des manettes Nintendo 64 Nintendo, entre guillemets, ce sont des reproductions des manettes Ori de l'époque, qui reprennent la forme des manettes Ori. Mmh. Alors malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de retour qualitatif. C'est pas ce que ça va donner. Les manettes pour la console d'origine sont à 25€, ce qui est un prix tout à fait modique, hein. C'est vraiment pas excessif. On attend sans doute de voir la tenue du stick, voir comment ça évolue dans le temps. Et de la même manière, j'en ai commandé, moi aussi a commandé des exemplaires. Non, on aura l'occasion. Non, tu manges. En plus, j'en ai pas commandé. Hein. Moi, j'attends vraiment de voir. Parce que d'accord, toi, t'as pas mis une préco de sûreté. Non, contrairement aux manettes Mega Drive et Saturn, là, il n'y a pas le Nintendo Seal of Quality dessus. Oui. Donc, c'est vrai. On ne sait pas s'ils ont eu accès au plan d'origine des manettes. Bah, du coup, Ori, là, pour le coup, mais voilà. Moi, j'attends de voir. Et puis, c'est pas le format de manette que j'attends vraiment, moi, pour 64. J'attends il la manette. C'est un peu bizarre le format. Ouais. J'attends la manette d'origine. Une manette Ori, j'en ai une. Et je la trouve un poil petite, en fait. Il faut savoir que oui, ces manettes Ori, elles se négocient aujourd'hui autour d'une centaine d'euros, c'est ça ? Avec les frais de port ? Alors moi, j'avais réussi à l'avoir pour 80 balles, mais effectivement, elle coûte très très cher. Ouais. Voilà. Si effectivement ça correspond tout à fait à la manette Ori telle qu'on la connaît, oui, ça permettrait d'en avoir une pour le quart de son prix. Oui, oui. Ce qui n'est pas négligeable. Et après, bon, moi, je crache pas sur une manette Nintendo 64 avec un stick qui ne soit pas décédé. Il y a ça par contre, ouais. Ouais. C'est vrai. Donc tout ça pour dire que wait and see sur ces histoires de manettes de l'infini, manifestement, qu'après avoir été repoussé 48 fois. L'aventure n'est pas terminée pour moi. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et bon, en tout cas, si pour la majorité des gens ça marche, tant mieux. On verra quoi. On verra. Petit mot, moi, tu voulais nous parler d'un convertisseur. Ouais, alors vite composite fait. Composite vidéo vers. Donc vite fait, c'est la team qui s'occupe de l'OSSC qui a en projet, je ne sais pas à quel stade d'avancement il est, mais qui permettrait de convertir en fait les signaux composites et S-vidéo en signal YUV. Alors, pourquoi ça, vous me direz ? Eh ben, déjà, premier point, pourquoi pas ? Et ensuite, oui, parce que, et ensuite, parce que ben, notamment l'OSSC, mais beaucoup de télévisions, on va dire pas modernes, mais un peu, pas trop vieilles non plus, prennent en charge la connectique YUV. Mais prennent plus en charge que ce soit le S-Vidéo ou le composite. Du coup, ça permettrait de les utiliser sur ces télés-là, premier point. Et deuxième point, ça, l'OSSC lui-même ne prend en charge que le YUV ou le RGB. Donc ça permet aussi de brancher sur le sur l'OSSC, par exemple, ces consoles en composite ou en S-Video. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, pour nos amis nord-américains, la connectique RGB, c'est pas la norme, loin s'en voilà. faut. Ils ont du composite, ils ont du S-Video très facilement, mais le RGB, c'est beaucoup moins facile d'accès pour eux. Donc voilà, donc ça permet d'avoir, entre guillemets, de combler un espèce de secteur qui manquait complètement, je trouve, dans tous ces upscalers, convertisseurs et autres. Vraiment, les signaux composites et S-Video. Et S-Video. Et c'est intéressant. Et j'ai un projet qui me trottait en tête depuis très longtemps. Et ceci va peut-être me permettre de le réaliser. Donc, je tease un peu. Je tease un peu, mais voilà. C'est pas bien de nous intéresser comme ça, monsieur. J'ai des idées. Oui, enfin, après, ça fait comme Sixty Forever. Hein. Ça fait un an que j'en parle et c'est toujours pas commencé. Donc, bon. Pareil. Hein, c'est de ma faute. Bonsoir et, bienvenue, monsieur Carotte. Assis-toi, tout va bien se passer. C'est le principe, c'est de parler, d'écouter les gens, d'interagir avec eux et tout ça. Voilà. Je donne le mode d'emploi du podcast parce qu'il dit que c'est son premier. Ensuite, puisque manifestement les gens n'ont pas aimé ce type, le programmeur principal de 1080 Snowboarding. Magnifique troll, effectivement. Nous fait grâce d'un prototype, d'un nouveau jeu de snowboard. Je sais même pas s'il y a un proto, hein. je pense juste qu'il est en mode. Non, il est en planche. Je veux dire par là, il est en train de plancher sur. Ah, ok. Un proto. Il a envie manifestement de faire revivre. Donc, parce que 1080, confirmé, c'est un jeu de légende dans les gens qui aiment les. Tout le monde dit, c'était le meilleur jeu de glisse. Je vais vous raconter une blague, mais vu que je savais pas par quoi commencer. Avant, je me suis dit, je prends le premier de la liste et du coup, c'est celui-là. C'est un chiffre. Et oui, c'est un jeu qui a une très bonne renommée, ça. Oui. La Nintendo 64. Mais c'est oui, dit, oui. Tu parles de ce type, mais effectivement, à part ce type, en termes de snowboard, ou même de jeu de glisse sur neige, il y a eu quoi Alors, il y a un jeu qui s'appelle SSX. Ouais, non, mais je veux dire les 5, même 10 dernières années. Ah, d'accord. J'allais dire, il y avait pas le teaser sur Super Nintendo, mais ça vaut pas. C'est bon, en fait, ça, c'est un peu comme les jeux de skate, malheureusement. C'est le genre de jeu qui est un peu. Mais il y a plein de genres de jeux qui ont disparu, les jeux de tennis aussi. Pas encore skate, il y a eu le droit skate, il y a Oli Oli. Ouais, il y a quand même deux, trois petits trucs. La licence skate était géniale, c'est juste que c'est Electronic Arts. S'ils n'ont pas envie de mettre un copec dans un développeur, ils vont le faire couler. Et c'est ce qui s'est passé avec, je crois que c'est Big Box qui développait la série skate. Voilà, skate 1 était pas mal, le 2 était fabuleux, le 3 était sympa, mais moins bien que le 2. Et voilà. Malheureusement, on attend un Skate 4 qui sortira jamais. Ouais, après, ouais, non, snowboard, y a rien. Mis à part Steep. Steep, ouais. C'est le grand vide. Ouais, il y avait plein de. Enfin, il y avait des Tessis, il y avait Cool Borders. Enfin, je me souviens d'une époque où. Ah, les Cool Borders. Pas qu'il y en avait plein, mais il y en avait quoi. Il y avait de quoi s'amuser. D'un coup, pouf. Je pense que s'il arrive à trouver quelqu'un qui. On sait jamais. S'associer avec l'équipe de Steep pour faire un jeu en format libre. Je rêve. D'accord, très bien. Petite news suivante dont on ne sait pas grand-chose au final parce qu'il veut tout dire et rien dire. Ah mais non, j'ai dit qu'on ne parlait pas de ça parce que ça faisait bien. Avec... Ah ouais. Okay. Je vais me taire. Alors on recommence, on l'a refait moins crispé. Pour ceux qui aiment les jeux rétro pas trop vieux, juste je dis rapidement, Ubisoft offre Assassin's Creed Unity pour suite à ce qui s'est passé lundi dernier à Notre-Dame de Paris, en plus du don qu'ils ont fait. Il est gratuit pendant une semaine pour les gens. Et alors, voilà. Sachez qu'en plus, si vous l'avez acheté après je sais plus quelle date. Ils vous le remboursent. Si vous l'avez acheté il y a 2 semaines, je crois, ils vous le remboursent. D'accord. Donc voilà. Je crois, je sais plus si c'est 2 semaines ou 15 jours ou 3 jours, j'en sais rien, mais. Okay. Ubi fait un geste. Alors bon, comme d'habitude, on peut toujours s'y intéresser ou pas. Est-ce que c'est juste pour se donner bonne image, sans chance. Bon, Ubisoft reste avant tout une société française. Je pense que voilà que le geste est aussi. Quoi qu'on en dise, voilà, que le geste enfin, désintéressé, c'est un bien grand mot, mais que voilà, Ubi veut montrer sa solidarité. Bah, Assassin's Creed Unity, malheureusement, le seul problème majeur que vous allez avoir, c'est qu'il va falloir installer Uplay. Je suis désolé. Bon, tu sais, les gens installent l'Epic Game Store pour tous les jeux gratuits. Donc Uplay n'a pas très très bonne réputation, et le jeu n'est gratuit que sur PC, bien entendu. Ensuite, les petites news, alors comme j'ai dit, donc les choses, parce qu'ils ont décidé de nous mettre moult news depuis peu de temps. Dans la journée, nous avons appris quels allaient être la seconde partie des jeux de la collection Castlevania, dont on avait déjà parlé. Ouais. Et bon, y a des bonnes nouvelles et il y en a des moins bonnes. Voilà. Il y a 2 jeux bien et 2 jeux nuls, en vrai. Ouais, mais par contre, les jeux bien sont bien, quoi. Non, ils ont décidé donc de rajouter à la collection Castlevania donc la version Mega Drive, qu'on connaît bien. On attend de voir d'ailleurs quelle version ça va être, ou si on va avoir accès à toutes les versions qui ont des différences en termes de censure et de difficulté. Mm-hmm. Ce serait intéressant de voir. Mm-hmm. On a le fantastique, l'excellent Kid Dracula dans sa version NES. Et là pour de vrai, hein. J'adore ce jeu aussi. Pas de souci qu'il y a un excellent spin-off, et j'en avais parlé, et j'espérais qu'il y soit. Mm-hmm. On espérait tous qu'il y soit, je pense. Ah oui. Et ensuite, bon, ils nous mettent Castlevania Adventure et Castlevania 2, par contre. On est désolé. Ah, c'est le Simon's Quest. Je pensais que c'était le 3. Non, mais le 3, il y est déjà. Donc, il y aura les 3 épisodes NES. Pareil, sur Game Boy, ils nous mettent le premier, alors que c'est franchement le moins bon des 3. Je sais pas ce que ça a l'air coûté de mettre les 3 une fois, vu qu'il y a l'émulateur Game Boy, quoi. Je veux dire, voilà. Bon. Quelques kilobits, sans doute. Hein. De plus ou de moins. Je sais pas. C'est un truc que je comprends pas, moi, avec les compiles, en fait. Pourquoi ils mettent pas tout ? Ah, tu sais pourquoi ils mettent pas tout ? Non, mais là ils ont pas. Non, mais je veux dire, là, ils ont décemment pas prévu de refaire une compile avec ceux qu'ils ont pas mis. C'est pas dit. Parce que il y a une idée, je pense, qui leur trotte en tête. Au cas où ils veulent en faire une. Ah oui. Il y a toujours ce petit truc qui sait, on va pas tout mettre parce qu'un jour peut-être, on a besoin d'équité. En marque Capcom, ils ont bien fait une compile avec Mega Man X 5, 6, 7, 8. Oui. Non, mais c'est toujours une question de pas tout mettre les œufs dans le même panier, quoi. Ouais, mais... Et je dis n'importe quoi, il faut me dire quand je dis n'importe quoi. Castlevania 2 Game Boy était déjà annoncé parmi les jeux, c'est ça. C'était Castlevania 1, 3, le 2 version Game Boy et le 4 qui était déjà annoncé. Ouais. Donc celui qui manque, c'est le Castlevania qui emmerde Konami depuis le début, c'est-à-dire ce Castlevania Adventure sur Game Boy, à savoir. Sonia Belmont ? C'est ça, voilà. Il y a une timeline, mais celui-là n'existe pas, ne posez pas de questions, merci. Voilà, c'est ça. Mais on le met dans la compile. Non, mais il n'y est pas, celui-là. Donc, dommage, parce que c'est pas un mauvais épisode, en plus. Bon, tant pis. On ne le met pas, alors. Voilà, donc, et ce ne seront finalement que des Castlevania 2D, puisque nous perdons encore les versions de Nintendo 64. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Ouais, est-ce que c'est vraiment grave ça... Voilà. Ensuite, on va passer donc aux deux. Parler vite, qu'Hybrinator dit qu'il manque Rondo of Blood, mais Rondo of Blood, il a eu un petit remake très récemment. Rondo of Blood et Symphony of the Night sont dispo à part sur les consoles modernes. Je ne les voyais pas les mettre, c'est sûr qu'ils les vendent déjà à part. Donc, Et il y a même un truc sur PC aussi où ils l'ont sorti récemment. Version PC Engine, c'est possible, ça, elle existe. Hein. La PC Engine, c'est Rondo of Blood. Ouais, c'est Rondo. Ouais. Rondo. Donc de la version de PC Engine de Rondo of Blood sur PC. Et si celui qui manque éventuellement, c'est la version MSX hein, qu'on retrouve dans la version PS1 aussi, Castlevania, comment il s'appelle ? Chronicles, c'est ça. Voilà. et la version WiiWare qui manifestement semble vouée à l'oubli. Bah, la Chronicles a été sortie sur PS1, non, il me semble. Oui, Chronicles est sortie sur PS1, c'était un remake de l'épisode MSX, ouais, qui lui aussi fait partie des oubliés, malheureusement. Et donc, je vais dire... Oui, pardon. Je vais dire, pendant qu'on a quelqu'un sur le chat qui veut perdre son boulot. C'est pour toi, Beyond. Lille. Et donc, on va parler donc des deux grosses annonces. Alors, on parle de grosses, donc on sent au... comment dire, au figuré comme... le Capcom qui nous sort un truc énorme. Quelque chose. Alors, on avait la rumeur qui courait, ma petite dame, et qui a été confirmée. Capcom sort un double panel arcade full sanois. Full moche. Moche. Oui, merci. J'ai pas osé le dire, mais c'est bien. Alors, c'est genre, c'est un peu comme si vous achetiez une Ferrari, que vous décidiez de la peindre en, je sais pas, rose bonbon avec des lignes vertes, je ne sais pas. Et pourquoi pas, hein. Par contre, à côté de ça, ils nous font la grâce de nous mettre dedans un total faramineux de 16 jeux. Wow. 16. Pardon. Capcom, en fait, c'est l'éditeur le plus généreux en fait au monde. Ah, ils nous gâtent, faut qu'ils arrêtent. Ah ouais, non, alors... ils nous ont tellement gâtés à nous apporter un nouveau Darkstalker il y a quelques années et à plus jamais reparler de ce projet que ils sont fabuleux. Je les adore. Et tout ça, ma petite dame, pour un tarif de un peu plus de 200 euros, 230, c'est ça, ou 220, 230, 229. Ouais. 230. Et ben, dis donc, ma chère Maryse, ils se mouchent pas du coup dès que nous... Alors, au niveau de ce qu'est aujourd'hui le tarif d'un stick arcade full sanois, bon. On est dans des tarifs qui sont pas farfelus. Bah ouais, c'est un peu les prix. Par contre, pour ce qui est d'une machine autonome sur laquelle on pourra pas rajouter des jeux, a priori, si on prend comme standard la dernière machine sortie avec des jeux d'arcade qui est la Neo Geo Mini, qui nous offrait quand même 40 jeux, là on est sur 16, c'est un petit peu léger. Surtout que le catalogue Capcom CPS1/CPS2/CPS3 est quand même plus fourni que ça en réalité. Largement, oui. Même si on peut... Si tu supposais le fait qu'on puisse rajouter des jeux, ça on ne sait pas. Hein. C'est ça. C'est mais Capcom, il n'y a aucun moyen. Ouais, voilà. Mais, à contrario, peut-être que cette manette-là servira aussi pour d'autres jeux que Capcom, tu vois, qui servira vraiment en tant que stick arcade. Bah attends, moi c'est ce que j'avais compris. J'avais compris que c'était des vrais sticks arcade, moi. Et bah du coup, ça donne vraiment son utilité ici, alors à ce moment-là. Mm-hmm. Bah enfin, j'espère. Hein. On en saura plus dans quelques temps, parce que là... Apparemment, pour la liste des jeux, il y a quoi? Il y a 1944, Alien versus Predator. Juste, voilà, les jeux, je voulais en parler rapidement. On avait parlé de la compile Capcom sortie récemment avec les jeux de baston, et j'avais regretté l'absence d'Alien versus Predator. Ah oui, et moi, j'ai regretté... Qui repop là, comme ça, en mode, je suis là. Voilà. Ouais. Alors, par contre, au niveau des jeux de baston qu'ils ont mis dedans... Moi, je m'interroge sur leur santé mentale. Hein. Les Street 2. Mais Street Fighter 2 Hyper Fighting. Mais merde, vous ne pouvez pas mettre Super Turbo dedans? Je comprends pas. Bah déjà, il y a deux Street 2, quoi. Non, il y a pas. L'autre, c'est Puzzle, je crois. C'est Puzzle Fighter. Non, c'est Puzzle Fighter, le deuxième. Ouais, peut-être finalement, c'est Puzzle Fighter, tout va bien. Autre jeu de baston, ils ont mis Darkstalker, mais Night Warriors. Mais les gars, je sais pas, vous n'êtes pas obligés de mettre tous les jeux Vanilla, hein. Ils ont mis quoi, Mega Man Power Battle? Pourquoi pas mettre le 2? Non, mais en fait, je pense qu'ils voulaient juste vendre les jeux, les sticks, quoi. Il y a honnêtement deux bonnes surprises dedans, qui est Giga Wing et Pro Gear. Pro Gear, c'est très très bien. J'ai dit, voilà, autant Giga Wing, moi je vais déjà sur Dreamcast, autant Pro Gear, je suis content de le voir aussi. Oui, Pro Gear, c'est cool. Et AVP, bien sûr, Alien versus Predator, voilà. Bon, après, ouais, voilà, pour avoir envie de lâcher 230 euros. Après, je pense que ça trouvera son public de toute façon. Hein. Ouais. Alors, par contre, il y a un truc. Ça, c'est annoncé quoi, avant-hier, je crois, c'est ça. Hein. Mm-hmm. Ouais. Et bon, aujourd'hui, il y a des types qui disent attention, mais c'est un peu la gueule du monde. Parce que dans ce bidule-là, le Capcom Home Arcade, comme ils appellent ça, paraîtrait-il que dedans, il y aura l'émulateur FBA. Il y a un petit souci quand même. Hein. Parce qu'en fait, FBA, t'as pas le droit de l'utiliser dans un produit commercial au niveau des licences. Donc FBA, oui, pour ces Final Burn Alpha. Ouais, Final Burn Alpha, ouais, effectivement. Et bon, apparemment, Capcom aurait fait un deal avec la personne propriétaire de la marque Final Burn Alpha, c'est ça? Mais qui n'aurait pas tenu au courant la plupart des personnes qui auraient participé au projet. Ah oui. Qui commencent à arriver derrière en disant, oh là là, attendez, là, il se passe quoi? Et là, c'est là qu'on touche à des problèmes. Bon, le tarif, le nombre de jeux, on peut en discuter, tout ça, mais là, on a un autre problème qu'on voit poindre, qui était le même avec la PlayStation Mini La chez PlayStation Mini. Sony, à savoir, sérieusement, vous n'avez pas une équipe capable de programmer un émulateur maison? Ben C'est. si, si, mais faut payer les gens pour ça. Il faut se fatiguer, paye il faut la se... licence d'un émulateur, pourquoi ils le Oui, font pas ben en interne? je pense que pour eux, ils ont regardé, c'est moins cher et moins chiant à produire. Ah C'est oui, bien surtout sûr. ça, il n'y a pas Bien de temps à sûr. perdre. Tu payes, tu as un produit clé en main qui marche bien, parce que ça marche bien. Enfin, attention, bien, faut voir. Alors oui, parce que Si c'est comme la PlayStation avec Mini, ce qui s'est passé avec la PlayStation Mini, il y a un ça veut aussi précédent. que si ça marche pas bien, c'est retour de bâton, hein. Ouais, c'est Oui, clair. mais Parce que après, quand la tu dis PlayStation Mini, ça marche bien sur PC, ça marche bien en émulation, le truc il tourne bien, quoi. Après, comment ils vont le. par exemple, on a vu SNK, notamment, bon, on en reparlera après, mais qui se félicitait pas mal des ventes de la Neo Geo Mini, qui proposait une émulation vraiment bonne, sans Oui, souci. oui, Mais oui. la PlayStation Mini a vraiment, enfin, vraiment, je pense, pâti de sa très faible qualité. Donc, on va d'abord voir. Enfin, après, c'est vrai que c'est pas les mêmes jeux à émuler aussi. Ouais, à Je veux voir dire, après. le CPS1 en CPS2, il y a longtemps que c'est émulé avec des machines qui ont rien dans le ventre, hein, basiquement. La première Xbox faisait tourner ça comme un charme, sans pouce, sans souci, c'était il Ouais, y a pas mal totalement. d'années. En fait, le problème de chez Capcom, c'est qu'ils sont capables de faire des trucs super, comme ils sont capables de faire de la merde incroyable, et de surtout de ne pas en avoir honte, c'est ça le pire. Voilà, on va voir comment les choses On vont. va. Personnellement, j'ai quand même leur laissé une chance, même si clairement ce produit m'intéresse pas, mais j'ai quand même leur laissé le bénéfice du doute. Mais voilà quoi, c'est particulier quand même. On verra. J'attends aussi d'avoir le produit en main pour voir. Toi, tu vas l'acheter? Non, je. Alors là, pour l'instant, les choses sont pas décidées. Alors c'est déjà en préco chez Auchan, il me semble, mais bon, je suis pas décidé parce que le tarif, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, pour 200 balles, acheter un ça avec, enfin, c'est le prix. On n'en a pas parlé. C'est le prix d'une méga SG ou. Ouais. Ouais, voilà, ok. Mais là, Voilà. c'est plus pour le stick arcade. Et comme toi, tu es fan de ce genre d'artif. Ah, qu'est-ce que Ouais, j'aime acheter des sticks arcade qui servent à rien, hein? mais oui, mais Oui, c'est ma chère pareil. assistante. Non, mais après, c'est toujours pareil. T'achètes aussi un sticker CAC parce qu'il est un minimum beau et fonctionnel. Là, Oui. fonctionnel, on sait pas Ah. encore. On sait pas encore Mais c'est ça, vraiment faut à que ça présent main et vérifie. tout. Oui. Mais au niveau de la beauté, ça Moi, peut. beau ou pas, c'est pas trop grave, mais j'aime bien qu'il soit sobre. Et là, c'est un peu loupé. Ah, les détournements qu'il y a eu là où ils l'ont mis à la place de l'épée de Cloud ou de Guts là dans Berserk là. Oh là là, je me tape des barres depuis quelques jours là. L'épée de Euh, des barres Guts, littéralement. c'est pas très Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, il se trouve que en cette fin d'année, on va accueillir une nouvelle console mini également. Et là, je vais intituler cette section rapidement, Sega se fout-il de notre gueule ou Sega se fout-il vraiment de notre gueule? Ah bah ça, t'es énervé là, t'es C'est énervé. pas, c'est, c'est pas du tout, Ouais. c'est pas du tout orienté, hein. Donc, Voilà. Sega a annoncé sa Mega Drive Mini pour la fin de l'année. Alors, un produit officiel. Ils ont dégagé AT Games, ce qu'on leur demandait depuis il y a bien longtemps. Ils ont rapatrié l'équipe M2 qui s'occupe déjà des dernières compilations de jeux Mega Drive et tout ce qui est de manière générale adaptation de jeux Sega sur les consoles modernes, One, PS4, sur PC et sur Switch. Bref, en termes de qualité d'émulation, ils ont dit, ouais, tout va bien. Ils ont appelé Yuzo Koshiro pour composer la musique du menu. Bon, jusque-là, on est content. Jusque-là, ils ont fait ça bien, hein, oui, tout à fait. Et puis après, Sega s'est déjà mis à nous annoncer donc que le Japon bénéficierait de deux modèles différents, soit avec une manette, soit avec deux manettes dans le pack, et qu'ils auraient droit à des manettes 6 boutons, là où nous, en Europe, on a droit qu'à des manettes 3 boutons. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis, pardon. Et figure-toi que j'ai trouvé quelqu'un qui a dit qu'il était content qu'on rende enfin justice aux manettes 3 boutons. Ça lui faisait super plaisir. Et là, partant de là, je me suis dit, merde, en fait, si ça se trouve, il y a vraiment un public pour la manette 3 boutons. Ah, c'est un petit peu comme quand ils ressortent la manette Duke pour la Xbox et que les Américains, ils font « Ouah, génial !» C'est ça, parce qu'en fait, c'est peut-être le coup de nostalgie ultime, tu sais. C'est celle-là que j'ai eue quand j'ai acheté la console, elle était nulle à l'époque. Bah, je suis sûr que ça joue, ça. Pas la même. Oui. Mais bon, ça, c'était pas trop grave à la rigueur jusqu'à ce qu'on ait la liste des premiers jeux. Alors, ceci dit, on a eu après la suite de cette liste. Oui. Et là, il faut quand même avouer. Et là, il faut quand même avouer que ça fout encore plus les boules. Non, parce que moi, il y a un jeu que je voulais, que je pense que pas mal de jeux voulaient, qui sort en version Jap, mais qui... C'est même plus se moquer des Occidentaux, là. C'est de leur dire... C'est étrange, parce qu'en plus, il est sorti aux États-Unis, le titre. Donc, ce à quoi on fait allusion, c'est... Alors, moi, pour la première fournée de titres, bon, ok, il n'a jamais été traduit. Bon, ils nous mettent Rentairo au Japon et en Occident. Hop, hey, regardez, vous avez Toji Manor à la place. Ouais, ça. Ok. Et donc là, sur le coup, au Japon, ils vont avoir droit à Musha à l'ST. Mais pas nous. On a quoi voilà. Nous en place, nous a mis Thunder Force 3, pas le 4. Hein. Le 3. Pourquoi ils ont mis le 3 normal, c'est parce qu'on pue, c'est pour ça, quoi. Pourquoi ils ont mis le 3 ? Je sais pas, mais je comprends pas des fois comment il fonctionne. Mais... Le 3 est pas un mauvais jeu. Mais quitte à mettre un jeu, autant mettre le 4. Ceci étant dit, liste des jeux, tu as quand même Guardian Heroes, tu as quand même du Shinobi 3, tu as quand même du Probotector. Il y a le Castlevania Mega Drive. Hein, tu as le Castlevania, qui sont quand même des trucs qui coûtent un bras et demi. Oui. Bon, Castlevania et Probotector, on est relativement content de les voir, même si sur le coup, Castlevania va apparaître dans la compile Konami. Ouais. Pour les Gunstar Heroes, tout ce genre de jeux-là, Shinobi 3, tout ça, blabla. Alors, j'aimerais quand même vachement ne pas avoir tous les jeux qui sont déjà dans les compiles PS3, 360, Xbox One et PS4 et Switch sortis ces 10 dernières années. Le contrat, parce que, bon, le on contrat les a déjà. Aussi. Contrat et Castlevania, Contrat, c'est le seul qui est dispo nulle part ailleurs. Ouais. Il est vraiment en mode. Castlevania non plus. Mais oui, mais il sera dispo dans la compile Konami. Ouais, mais bon. Mais oui, il sera dispo ailleurs. Voilà. Donc, Oui, vas-y. Ben c'est les deux Mickey quand même. On les a jamais. Tu sais, à cause des licences. Mais si, quand même. Mais je sais ce que tu penses du Castle of Illusion. Je déteste Castle of Illusion. Moi, je l'adore. Mais l'écoutez pas. Moi, je voudrais le bannir. Je déteste. Arrêtez de vous battre. Jouer à la version Master System, elle est 100 fois mieux. Arrêtez de vous battre pour des bouts de pixels. Mais la question que je me pose pour la Mega Drive Mini, c'est que ça sort à 80€. La liste des 10 premiers jeux, je l'ai trouvé naze. Voilà. Là, ils étaient à deux doigts de nous sortir Musha, ils nous l'enlèvent. Il y a Probotector dedans, d'accord. Mais 80 balles aujourd'hui pour une machine qui va embarquer la plupart des jeux, comme j'ai dit, que j'ai déjà sur les autres compiles que j'ai acheté sur les autres machines ces 10 dernières années. Il va manquer le petit plus qu'il y avait dans la Super Nintendo Mini, c'est-à-dire le coup du Star Fox 2 inédit ou du Earthbound. Il faut qu'ils sortent ces cartes-là, ces gars. Et avec Musha, ils avaient l'occasion de le faire et ils le font pas. C'est uniquement pour Star Fox 2 que j'avais acheté la SNES Mini, moi. Ouais. Là, pour l'instant, je l'achète pas la Mega Drive Mini. Même si je trouve les jeux, moi personnellement, juste purement en termes de jeux, je trouve intéressant, mais je l'achète pas. C'est pas mal. Je tiens à signaler un truc quand même, parce qu'on l'a pas dit, mais en Europe, c'est les jeux européens qui sont annoncés. En Europe, c'est les jeux Mega Drive qui sont annoncés. D'accord. J'ai pas entendu. Ça veut dire qu'on va se prendre le 50 Hz ? Ça veut dire que, en théorie, c'est on se bouffe le 50 Hz. C'est ce que j'ai vu. Les jaquettes que j'ai vues sur les annonces européennes, c'est les boîtes bleues Mega Drive, c'est Probotector, justement, on en parlait, c'est Probotector, pas contre Hard Corps, c'est Landstalker The Treasure of Null, enfin tu vois, c'est. Moi, c'est ça que j'ai vu. Après. C'est peut-être une erreur dans les images, mais. Ils sont pas suffisamment bêtes pour faire ça, quand même. Bah. Oui et non, parce que quand on parlait de la Super NES, on disait ah là là, ils nous mettent les versions US alors qu'il y a des jeux traduits en français et tout. Oui, c'est vrai. Les gens, ils... ouais, ouais. En plus, l'avantage de la Mega Drive à la Super NES à l'époque, c'est que tous ces RPG étaient sortis chez nous et traduits en plus. Quoi. Bah ouais. Donc du coup, tu as Landstalker en français, comme à l'époque, c'était rare hein, quand c'est sorti en 92. Hein. Franchement. Ouais. Donc à se renseigner, mais pour l'instant, moi, ouais, toutes les annonces que j'ai vues, c'était avec des jaquettes Mega Drive, avec les noms européens. Ouais. Voilà. Ça sent bon le 50 Hz, tout ça. Donc ça sent bon le 50 Hz. On aura l'occasion d'en savoir plus dans quelques temps. En ce sens, on continue à suivre le dossier, voir tout ça. Mais bon, aujourd'hui, quand une société comme Analog sort la Mega SG pour 200 euros, alors évidemment, 80-200 euros, on dirait oui, mais c'est le double. Oui, c'est le double. Mais c'est quand même... ça me paraît vachement moins limité, ça me paraît qualitativement plus élevé, c'est pas de l'émulation. Alors, bah, c'est surtout ça, la Super SG, ouais, tu mets tes vraies cartouches. Quoi. La Mega SG, tu mets tes vraies cartouches, et alors je le dis pas, mais je le dis, techniquement, vous pouvez jouer à tous les jeux Mega Drive juste en achetant la Mega SG. Voilà, ouais. Encore après, oui, vous n'avez pas un produit, c'est pas un produit Sega, effectivement, mais ça reste quand même très bien. Voilà. Moi, je maintiens qu'il va me falloir... un jeu, au moins un jeu qui me fasse dire « Waouh, mais je suis vraiment obligé d'acheter cette Mega Drive Mini si je veux jouer à ça. » Pour moi, il nous reste encore la moitié des jeux à découvrir. Pour moi, Contra, il remplit le rôle, puisque de toute façon, il coûte déjà 100 balles, voire même la version européenne. Ça, je suis tout à fait d'accord. 100 balles, je crois. Oui, mais, 100... ouais, mais c'est pas mal. Bah, c'est pas le seul jeu qui ceci coûte 100 balles. Hein. Le Shinobi 3, il cote violent aussi. Hein. Oui, mais on peut l'avoir autrement. Mais oui, il est ailleurs. Si t'en dis, le contrat, à mon avis, il va être dans la compile contrat qu'on a mis. Donc, en fait. Mais c'est pareil, Moucha, il n'y a aucun autre moyen d'y jouer. Moucha, ouais. C'est un jeu qui vaut aujourd'hui plusieurs centaines d'euros. Oui, oui. C'était vraiment le jeu pour se dire ah, super, on va pouvoir jouer à Moucha. Et puis, c'est un chose à mode compile, quoi. C'est voilà. Une compile. Il hein. Oui, oui. Y a une chose que j'arrive pas à comprendre. Oui. Donc, compile, ils disent non à Moucha, mais compile, c'est aussi Puyo. Et les Puyo, apparemment, ils sont dans le truc, non? Oui, il y a le docteur mais non, ils ont un Moucha pour l'Occident, pas pour le Japon, c'est ça qui... C'est complètement con. Non, mais je crois pas que ce soit le... Mais attendez, juste pour être conflit. Certain, il est sorti... Aux États-Unis. Aux États-Unis, pas en Europe. Oui, bon, en Europe. D'accord, parce que j'ai vraiment l'impression... En Europe, on a eu Super à l'Est, on a eu des... Parce que j'ai vraiment l'impression là qu'il nous la joue total... Région, pas région lock, parce que c'est pas région lock, mais vraiment truc par région. Hein. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils nous font quand même. Donc, okay. Voilà, donc faute de nouvelle console Sony à acheter la fin de l'année, on va regarder ça. Mais bon, d'ici là, on aura peut-être une nouvelle Switch à acheter à la fin de l'année. Donc. Oh, bah oui. Et on va terminer avec la dernière news qui va faire le lien avec notre sujet merveilleux. Oh, attention, cousu de plein. Ça va 22h20. C'était volontaire, ça dit donc. SNK a fait une annonce qui veut tout dire et rien dire en même temps, c'est ça ? C'est SNK, quoi. Voilà. Qui prévoit donc de sortir de nouvelles versions de la Neo Geo Mini, on ne sait pas vraiment, et un nouveau Metal Slug qui serait un vrai nouveau Metal Slug. Ça m'intéresse. Eh ben ça, ouais. Ça, il a dit banco. Bon, après, on n'a pas trop... on n'a pas réellement de détails hein, sur ce qui va se passer ou pas. Ouais. On sait que SNK est relativement content des ventes de la Mini. Oui, voilà. Alors, en termes de volume de vente, on sait combien ils en ont vendu. Il y a des chiffres dessus. Je pense pas. J'ai pas vu. J'en ai pas vu passer non plus. Non, ouais. Mais eux, ils sont contents. Enfin, en tout cas, s'ils prennent cette voie-là, voilà. Ce seront juste des nouveaux modèles. Pas des nouveaux modèles, hein, c'est juste le contenu des jeux qui sera différent encore. Donc du coup, celui qui a déjà une Neo Geo Mini, il n'y aura pas vraiment un intérêt. Quoi. Non, j'ai pas de chiffres, en fait. Pas de chiffres. Donc j'ai pas ça. Ouais, et ça a dépassé leurs prévisions, et donc ils se disent qu'il y a un coup encore à jouer. Parce qu'il y avait déjà eu une seconde Neo Geo Mini. Oui, même pas un mois après, c'était pour l'édition de Noël, je crois. Ouais, c'était assez vilaine hein, quand même. Mais bon, oui. Alors par contre, pour le Metal Slug qu'ils ont soi-disant annoncé, j'aimerais deux trucs. Un, de la 2D, de la vraie, avec des sprites, des gros sprites qui tâchent. Je les vois pas faire de... Et de deux, s'ils font de la 3D, qu'ils nous font pas de la 3D comme au début de KOF 14, c'est la 3D façon PlayStation 2, lycée, mais tout moche, avec un chara-design qui sent pas bon. C'est du Metal Slug, ils savent à quel point Metal Slug c'est important, et ce que les gens... Ils aiment dans Metal Slug. Je suis pas sûr qu'ils aillent vers de la 3D. Hein. Et surtout, très important, enfin après, je sais pas, il y a déjà eu un précédent Metal Slug 3D, hein, on rappelle. Oui, PlayStation 2, exclusif au Japon. Oui, mais je pense que là, non. Ils savent très bien ce que... D'ailleurs, soit dit en passant, le Metal Slug de la PS2, il était pas si nul que ça. Hein. C'était pas... C'était pas génial. C'était pas un mauvais jeu, je trouve ça. J'ai trouvé ça sympa. C'est un petit jeu sympa. C'est mou quand même. Non, je sais pas, j'ai jamais joué. Après, il est sorti qu'au Japon, c'est ça. C'est... Mais moi, j'ai bien, j'ai trouvé ça marrant, voilà. J'ai trouvé ça rigolo. Et sur le coup, donc, ça nous permet donc de glisser ce bâtissement un petit peu vers notre sujet dont on avait envie de parler, c'est-à-dire les jeux SNK et SNK de manière générale, le SNK qu'on n'avait pas évoqué lors du podcast Neo Geo. Mais oui, c'est SNK Arcade. Le SNK, je vais commencer par le début. SNK DD, le SNK donc a été créé en 1978. Shin Nihon Kikaku, nouveau projet japonais, nouveau projet du Japon. En termes de nom de société, je trouve ça prodigieux. Moi. Ils avaient confiance en eux. C'était vraiment... L'idée, enfin pour SNK, donc ça a été dès le début d'intégrer le marché de l'entertainment, du jeu vidéo, des bandes d'arcade en particulier qui étaient en plein boom. C'est ça. Et alors moi, j'avoue que les vieux jeux SNK d'arcade, j'en ai connu vraiment très très très peu. Ben moi, j'en connais deux ou trois, et j'avoue que c'est en refaisant des recherches. Je me suis aperçu qu'il y a un jeu, je savais absolument pas que c'était SNK, et il y a un autre jeu, en voyant le titre, je me suis dit, ok, j'ai déjà joué sur Atari 2600, je connaissais le jeu, mais là, pour le coup, quand j'ai vu que c'était SNK, j'ai recherché trois fois, quoi. Je me suis dit, non, c'est pas possible, et si, effectivement, c'était bien eux. Donc, le premier jeu connu, entre guillemets, d'SNK en arcade, c'est un jeu qui s'appelle Ozma Wars, qui est sorti en décembre 79, et alors c'est vraiment pas compliqué, il tourne sur le même hardware que Space Invaders, et il se trouve que c'est un clone de Space Invaders, c'est-à-dire que SNK a commencé de la manière la moins glorieuse possible, c'est-à-dire comme beaucoup de sociétés à l'époque, en faisant des clones, des jeux qui marchaient en se disant « il y a un peu de place pour nous, ça va aller ». C'est un clone fait par Taito, Taito qui s'en était chargé, il me semble. Et c'est même pire que ça, Space Invaders, t'avais des kits de conversion en fait pour passer le jeu en... pour qu'il y ait une sorte de couleur. Bon, c'était pas la couleur sur le moniteur, ouais. C'était un overlay. Et en fait, tu peux utiliser l'overlay en fait, de Space Invaders avec Ozma Wars, en fait. Ça fonctionne. Voilà, c'est pour dire à quel point c'était un clone, quoi. D'accord. Et le truc, c'est que ça va continuer, c'est-à-dire lorsque quelques temps plus tard, ils sortiront un jeu qui s'appelle Zarzone, non mais ce nom... Voilà, bref. Je pense à Zardoz et Sean Connery en slip. On est toujours dans un clone pareil de Space Invaders, donc on a une société à ses débuts quand même qui se contente d'essayer d'utiliser la recette qui fonctionne. Donc. Et donc ça posait pas de problème hein, de copier des jeux. À l'époque, non, il n'y avait pas de copyright ou quoi que ce soit, c'était à la bonne franquette. Hein. C'est quand ça a connu vraiment beaucoup, beaucoup de succès que les gens ils ont commencé à se dire que copier, c'est pas bien. Et moi, ces jeux de ces années-là, ça t'évoque des choses. Vanguard, qui est sorti en 81 en arcade, que j'ai sur Atari 2600. C'est quand j'ai fait des recherches pour ce soir, en fait, tout simplement, que j'ai découvert que c'était SNK. D'accord. Ça va. Parce qu'en fait, il me semble, sur la cartouche Atari, c'est pas le nom SNK apparaît pas, et il me semble que c'est distribué par CBS ou quelque chose comme ça. Si ma mémoire est bonne, hein, mais voilà. Vanguard qui est un shmup aussi, si je dis pas de bêtises, hein. C'est bien ça? Moi je confonds. C'est un shmup, voilà. Scrolling shooter, tout simplement. C'est bien ça. C'est un bon petit jeu pour l'Atari 2600. Ça fait pas partie de mes préférés, mais c'est cool. Il y a un autre jeu après, par contre, que personne connaît à part moi, et pour le coup c'est génial. Mais vas-y, vas-y. Un jeu qui s'appelle Nibbler. Bon, ça n'a rien à voir, mais non, Buzzy, qu'on a déjà parlé. Ça n'a rien à voir avec Nibbler de Futurama. Voilà. Merde. Pardon. C'est, pardon. En fait, merde. C'est en fait un... bah, le jeu du serpent, Snake, pour ceux qui ont eu un Nokia 3210. Voilà. Bah, en fait, voilà. C'est une version de Snake sortie en arcade, donc fait par SNK. Et en fait, comment je connais ce jeu? Tout simplement parce que j'y ai joué une fois dans ma vie. Le gameplay a des petits... Bon, voilà, attention, hein, c'est la notice Wikipédia qui dit que la notice... Enfin, que le jeu a des similarités avec Pac-Man, je trouve absolument pas, mais c'est pas grave. Mais en fait, je connais, parce qu'en fait, le jeu, il est joué encore de nos jours de façon compétitive. Ah oui? En fait, oui, carrément. Et il y a, il me semble... Alors, je peux me tromper. Non, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un documentaire qui sur le jeu qui... sur le jeu joué de façon compétitive qui tourne sur Netflix qui s'appelle Man vs Snake, si vous avez l'occasion de regarder. Bon, attention, hein, c'est moins glamour que King of Kong, mais voilà, toujours sympa. Et, voilà. Et c'était rigolo parce qu'en fait il y avait un record du monde qui datait de des années 80 ou quelque chose comme ça, qui avait été validé par Twin Galaxy, mais en fait quand Twin Galaxy disait non mais c'est de la merde, votre corps, c'est existe, le type, il n'existe pas, voilà, vous l'avez inventé. Et en fait, je crois que, si je me souviens bien du pitch, en fait, du documentaire, ils essayaient de retrouver, en fait, le fameux auteur de ce high score. Et si ma mémoire est bonne, le type existe vraiment. Enfin, voilà, c'est pour ça que je connais le jeu, mais sinon, c'est pas un jeu vraiment marquant, on va dire. Et bah, petit à petit, donc, SNK va commencer à faire des jeux qui vont avoir de plus en plus de succès, qui vont rester, entre guillemets, par exemple, bon, moi, le premier titre le premier jeu qui m'évoque réellement quelque chose, c'est le premier Alpha Mission en 1985, qui est donc un shoot 'em up, où, bon, qui s'est connu parce qu'il aura une suite sur Neo Geo quelques années plus tard. Et là, on commence à voir une société qui crée des jeux qui continue entre guillemets de prendre le concept d'autres jeux, mais qui le fait bien. Avec en particulier aussi l'année suivante le fameux Ikari Warriors. Voilà, le 86, c'est la fête du slip. Ils ont sorti 4 jeux qui sont quand même très bons jeux. Hein. Ouais, par contre, lui, je le connais, Ikari Warriors. Je crois que c'est le premier jeu SNK qui a déjà joué. Je pense comme pas mal de... Ah, bien sûr, ah, oui, carrément. Moi, tu m'évoques SNK, l'époque pré-Neo Geo, c'est Ikari Warriors. Ikari Warriors. Oui. Alors attention, parce que... C'est quand même un jeu qui se jouait avec un joystick rotatif 8 directions. Ouais, ouais, totalement. Bon, on en avait parlé quand on avait fait le podcast sur les manettes. Alors du coup, c'est compliqué à y jouer avec une manette. La version NES, pour moi, elle est immonde. Je suis désolé, mais c'est juste pas possible. Et même y jouer maintenant en ému, ben, c'est compliqué. Ah, c'est des jeux qui sont un peu plus difficiles à jouer. Ouais. L'autre jeu sorti cette année aussi qui sera marquant, enfin plus ou moins, c'est le jeu Athena, ouais. Qui sortira sur NES en Amérique du Nord et qui restera assez confidentiel chez nous. Hein, ouais, par contre, le personnage est connu par contre. Un jeu de plateforme avec une... C'est Psycho Soldier ? Non, c'est encore autre chose. Jeune femme légèrement dévêtue. Ah oui, non, mais c'est encore autre chose. Et justement, bah, c'est là que je voulais en venir, c'est que à l'époque, on n'avait pas le temps. Ikari Warriors connaîtra une suite la même année, Victory Road, et Athena connaîtra une suite la même année, Psycho Soldiers. Soldier. Et Psycho Soldier m'a traumatisé parce qu'il y avait une chanson quand tu jouais. Quoi. D'accord. Et... qui était sorti sur Game Gear, hein, Psycho Soldier, il me semble. Mais Athena, le perso est connu, il apparaît dans quelques coffres, je crois aussi. Oui, dans l'ancien cas, bien sûr. Capcom, ouais. Voilà, des trucs comme ça. Ah, voilà. Et dans Battle Coliseum, effectivement, oui, oui. C'est assez impressionnant de se dire qu'à l'époque, dans la même année, on sortait un jeu et sa suite. Hein. Alors, on rigole pas, on n'a pas le temps, allez hop. Ouais, c'est ça. Et après, alors est-ce qu'il y a des jeux après vous, dont vous aviez envie de parler, des jeux avant l'avènement donc, du support Neo Geo, MVS? Assez peu, parce que je connais assez peu ces périodes. On n'avait pas beaucoup accès à ce genre de jeu. En fait, c'est marrant, parce qu'ils ont une année 86, qui est quand même, il y a quand même 4 titres qui sont, voilà, tu peux encore y jouer maintenant, c'est cool. À condition d'avoir, bien sûr, la manette qui va te permettre de jouer dans les meilleures conditions. Par contre, après, le reste, c'est... peut-être Prisoner of War, ouais. Parce que moi, j'ai beau regarder, j'ai vérifié tout, ouais, je ne connais aucun des... Moi, je voudrais évoquer rapidement le Time Soldiers, qui est connu une version Master System. Oui, je sais, je l'avais présenté en jeu. Voilà. Ah oui, exact. Qui est un de mes jeux favoris de la Master. C'est un Ikari Warriors avec des contrôles un peu moins mutilants, je pense, sur la Master System. Et des plus gros sprites. Voilà, ouais. Et il était joli, hein, le jeu. Donc il a quand même connu, une belle histoire. Ouais. Oui, les jeux comme bon, après le jeu de golf sur NES, Lee Trevinos, qui était un concurrent direct de NES Open. Vous dit rien, ça? Ah oui, non. Oui. Ça me dit absolument rien. Lee Trevino Fighting Golf, oui, effectivement. Ouais. Voilà, qui était, moi, c'est une jaquette NES que je me souviens d'avoir vue à l'époque. Hein. Sans plus de d'éclat que ça. Ouais. Ensuite, il y a eu un troisième épisode pour Ikari Warriors. Ikari 3, ouais. Ikari 3, porté aussi sur NES, mais ça, c'est jamais sorti dans le Rescue. Ouais. Et moi, je me souviens de Prehistoric Isle, 1930. Ça me dit rien du tout, par contre. Ouais, moi, je me rappelle de la version qu'ils ont fait milieu des années 80, fin 90, le 2. Qui est un shoot exceptionnel d'ailleurs sur nos jeux. Et tu t'en rappelles parce que tu avais joué au jeu à l'époque en arcade? Non, moi j'ai connu la suite en fait. C'est comme ça que j'ai connu le jeu. Et toi, Billon? Oui. Non, moi je suis pareil, je n'ai pas joué du tout à ces jeux-là à l'époque. Hein. Ça, c'était. Voilà. C'est. Encore une fois, la Neo Geo, enfin. Ce qui a fait exploser SNK, c'est vraiment la création du standard MVS. Et en plus, ces bornes-là, moi, j'en ai jamais vu. Et pourtant, je suis de la région lyonnaise où l'arcade, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai jamais vu une seule borne avec ces jeux-là. Jamais. Donc, c'est vrai c'est... Jamais joué. Et donc, on a parlé, oui, donc, de la qualité aléatoire des premiers portages, avec certains jeux NES pas terribles, d'un jeu Master System bon, tout ça. Et même, puisque je voulais parler au-delà de la Neo Geo elle-même, c'est vraiment aussi au moment de la Neo Geo où les adaptations de licence SNK se sont mis à connaître un gros bond en avant. Oui, qualitatif, tu parles. Un gros bond qualitatif, donc à l'époque de la Super NES et de la Mega Drive. Merci à Takara, qui a fait du bon boulot, mine de rien. Voilà la question. Voilà, je voulais évoquer déjà pour commencer donc les portages de l'époque sur la Super NES et la Mega Drive. Je dirais que sur Super NES, en fait, il n'y en a pas beaucoup à retenir. Ben ouais, c'est surtout les versions Mega Drive qui sortent le mieux là-dedans. Le Samurai Spirit était pas mal, mais ils ont rogné sur les sprites et sur le zoom. Ouais. C'est dommage parce que le jeu, loin d'être mauvais, les Fatal Fury sont des adaptations relativement correctes. C'est respectable, on va dire. Ouais. C'est relativement correct. Il y avait quoi? Art of Fighting? Ouais. Mais pareil, j'ai jamais aimé la série de façon Art of, donc je vois. Le Fatal Fury spécial, par exemple, est la meilleure version sur 16 bits, hein, je crois. C'est sur Mega CD. Hein. Génial. Hein. Oui, la version Mega CD est vraiment fantastique. Ouais. Mais elle défonce la version Super NES. Ouais, en même temps. Et pareil, Samurai Shodown sur Mega Drive aussi, oui. Quand même les qualitativement. Sprites, ils ont gardé les sprites, ils ont gardé gros sprites. Oui. Oui. À la version SNES. Oui, complètement. C'est une série qui est en train de faire un comeback d'ailleurs. Oui, je suis content d'ailleurs, j'attends avec impatience. Ah, pareil, ça sort quand? En mai ou en juin, ça sort, je sais plus. Je sais plus exactement, mais. Est-ce que c'était deux équipes distinctes qui faisaient les adaptations des jeux Neo Geo sur Mega Drive? Je sais que c'était Takara qui s'occupait pour les deux, après je sais pas s'ils avaient des équipes dédiées. Parce que y avait quand même des grosses différences, hein, franchement. Ouais, y avait aussi le fait que la Mega Drive avait le même processeur, elle était plus facile à programmer. Le même processeur du Neo Geo. C'était le Motorola 68000. C'est vrai que c'est un truc, ça, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais sur Super NES et Mega Drive à l'époque, il y avait des jeux qui étaient presque identiques à quelques couleurs près. Et il y avait ces jeux-là où, quand tu achetais le nom d'un jeu, tu n'avais pas franchement la même chose. Pour chacune des consoles. Ça faisait partie des... où ils se donnaient la peine de faire des versions vraiment différentes. Ben, pour Protector. Oui. Aladdin. Fou, non, je crois que tu as loué le meilleur exemple. Ah oui, Aladdin. Hein. Bon, après, je vais juste dire, je lance un pavé dans la mare, je préfère la version Super Nintendo. Je ne suis plus là. Moi aussi, oui, mais on en avait déjà débattu. Je m'en vais. Oui, je sais, mais je le redis encore. La version Super NES est supérieure en tout point. Voilà, c'est acté. C'est bon. Mais c'est pas compliqué. La Super Nintendo, elle sait faire de la reverb, donc forcément, c'est mieux. Voilà. C'est vrai pour les musiques. C'est vrai. Hein. Les musiques de Super NES, c'est Reverbman, en fait, qui a la régie. Voilà. C'est ça. Et donc, oui, pour rester dans le thème, c'est la version. La Mega Drive, ils s'en sortent mieux pour les adaptations Neo Geo, Neo Lam. Et donc, pour avancer un petit peu, dans les années suivantes, on a eu la fameuse. Donc, on était tous là, hein, la guerre PlayStation contre la Saturn. Et il se trouve aussi que la PlayStation a connu énormément d'adaptations de jeux Neo Geo, mais a surtout charcuté énormément de jeux Neo Geo. Ouais. Et c'était souvent les mêmes que sur Saturn, mais la différence faisait mal. Là, c'est clair. Bah, la Saturn avait plus de RAM et savait gérer la 2D beaucoup mieux que, que la PS1. Donc, tout de pas suite, mal d'adaptations effectivement, de jeux sur Saturn qui nécessitaient leur RAM pack. Il y avait même une autre particularité avec le jeu KOF 95 qui, lui, utilisait même une cartouche ROM qui ne fonctionnait qu'avec ce jeu-là, qui avait une carte de 10 jours pour pouvoir avoir de meilleures animations. Très bon épisode, le 95. Très, très bon cru. Très bon cru. Après, moi, le 95, j'ai beaucoup joué sur PS1 et j'étais content. Hein. C'était moins bien, j'étais quand même content d'y jouer. Hein. Mais par contre, évidemment, le succès de la PlayStation aidant, SNK a proposé plus de... des choses sur PS1 un petit peu différentes, avec le Fatal Fury World Ambition, notamment. Le Valet. Ouais. Mais bon, voilà. Le Fatal Fury en 3D. Oh, adapté de la version arcade. D'accord. C'est vraiment un salaud, je l'avais oublié celui-là. J'en garde aucun souvenir, c'est ça qui est dingue. Je suis complètement zappé ça. Si, moi je m'en souviens, mais pour la vache. Et pour le citer, cette époque-là, parce qu'il existe aussi un petit jeu qui s'appelle Kudelka. Ah oui. SNK s'est essayé au Survival Horror, on peut dire. Bah en fait, il est édité. C'est Sacknote qui s'occupe, qui l'a développé. Et Sacknote, c'est ceux qui ont. C'est les papas de Shadowhearts. Et c'est une préquelle, en fait, de Shadowhearts, c'est le début. Mais SNK, oui, a voulu éditer du RPG avec des cinématiques doublées, ce qui, pour l'époque, PS1 était relativement rare. Et ça reste un excellent RPG. Hein. Disponible en Europe et pour pas particulièrement bien cher. À noter aussi qu'il y a Samurai Shodown Warrior's Rage. Qui aurait pu être édité sur PS1, mais apparemment ils sont jamais sortis. Enfin, j'arrive pas à trouver la trace. Fatal Fury Wild Ambition, je m'en souviens, mais les Samurai Shodown en 64, je me souviens pas qu'ils aient été adaptés sur PS1. J'ai pas souvenir non plus. Si c'est le cas, je n'en ai absolument pas. Et les éternels jeux qui n'ont jamais quitté le Japon, à savoir les Money Idol Exchanger ou Samurai Shodown RPG, Samurai Spirit RPG. Ça me faisait rêver dans les magazines à l'époque. Hein. Ah bah tu m'étonnes, parce que déjà, je veux dire, les Samurai Shodown avaient une réputation d'excellence, quoi. Et quand tu savais qu'en plus le RPG qui était le genre absolu à l'époque, hein, quand même, c'était le combo ultime, quoi. Alors oui, ça faisait rêver. Hein. Le truc truc qui faisait rêver, je sais pas vous, mais à l'époque de la Neo Geo Pocket quand c'est sorti. Moi, je la voyais tous les mercredis dans une boutique. Je regardais la vitrine, je bavais, quoi. C'était juste violent. Bah, évidemment. Bah, disons que la horreuse des portables. Voilà, quoi. C'est... Mais bon, voilà, il y a masse de bons petits jeux, en fait, là-dessus. Pour les jeux de baston, Rapidement, avant d'évoquer la Neo Geo Pocket, juste deux petits jeux sur Saturn, si jamais vous tombez dessus. Fatal Fury 3 a été adapté sur Saturn, et la version est fantastique. Ah oui. Et la version de Twinkle Star Sprites vaut vraiment le détour, n'est-ce pas, Monsieur Pell? Mais oui. J'adore. C'est une merveille. Ouais, Twinkle Star, c'est génial aussi. Ah ouais, et la version Voilà, la version Dreamcast est juste en 1-1 de la version arcade, là où la version Saturn rajoute plein de choses. Ouais, en termes de tarifs, c'est combien? Non, ça va, ça reste... En termes de tarifs, Monsieur Pell? En bas, 120 euros, à peu près. Voilà, quoi. Voilà, c'est moins pire que ce que je pouvais penser. Bon, ouais, ça, voilà, reste 120 euros, hein. Ça reste 120 euros. Mais voilà. On peut vraiment le dire, c'est vraiment la meilleure version, quoi. Parce que la version Neo Geo, tu multiplies par 3, hein, le prix. Mais elle est moins riche en contenu, au final. Parce que, comme tu dis, Billon, il y a des ajouts dans la version Saturn, comme un personnage supplémentaire et des bouts de scénario en plus. Du coup, elle est vraiment excellente, quoi. Et une OST romanée. Une OST, ouais. Donc c'est vraiment la version Saturn de Twinkle Star Sprite, la meilleure. Et donc, donc on pourra en revenir. Donc, la Neo Geo Pocket et un jeu Pocket Color, bah, c'était cette époque un peu folle où, en gros, tout le monde pensait qu'il pouvait s'attaquer au marché des consoles portables. Hein, où on avait... Non, je pense pas. Je pense surtout qu'ils sont arrivés très tard, mais tu as eu le succès de Pokémon au Japon qui a dû un peu les galvaniser. Ils se sont dit, oula, attends... Ouais. Finalement, les consoles portables, il y a peut-être moyen même sortir un truc monochrome, mais voilà. Mais je veux dire, on n'était pas loin aussi de la WonderSwan à l'époque. C'était, oui. C'était plus une époque d'ouverture que maintenant, quoi, sur le marché des consoles portables. Mais oui. Bah, mais en plus, contrairement à la WonderSwan, elle avait un vrai joystick, la Neo Geo Pocket, quoi. La Lynx. Mais voilà. Il manquait juste à la Neo Geo Pocket le rétroéclairage, ça je l'ai toujours dit. Bon, le jour. Et des jeux moins japonais. Ouais, oh non, c'était bien ça. Non, mais pour nous, mais pas pour le grand public. Après, quand tu vois les licences qu'il y avait quand même sur Pocket, t'as quoi? T'as les Cotes, t'as King of Fighters, t'as Fatal Fury, t'as les Metal Slug, t'as Cotton aussi. Pour des joueurs typiquement qui aiment le jeu Jap, ah, carrément. Oui, c'est un super Sonic aussi. Mais malheureusement, c'était pas le public. Ouais. Malheureusement. Ah oui, parce que moi j'en ai une et j'adore ce console. Aussi. Et puis il y a Neo Turf Master sur Neo Geo Pocket. Oui. Mais il y a eu, voilà. J'ai toujours dit pendant longtemps en rigolant, c'est ma console des toilettes. Mais en fait, c'est vrai, quoi. C'est la console, à un moment donné, je laissais, en fait, que dans la salle de bain, quand j'étais aux toilettes. Et je voulais faire une petite partie tranquille à un jeu. J'ai eu peur. Non. Je te rassure, elle n'a jamais fait un. Ah, Monsieur Chou a été coupé au montage. Ok, je disais, je te rassure, la console n'a jamais fait plouf dans la cuvette. Et oui, juste pour dire, sur Neo Geo Pocket, on a eu des choses un petit peu, entre guillemets, exotiques. Donc on a eu effectivement un épisode de Cotton, qui vaut un peu une blinde maintenant. Ouais. On a eu SNK Girls Fighter, bien avant SNK Heroine, qu'on a au calendrier aujourd'hui. Un jeu de cartes aussi. On a du Ogre Battle, un Ogre Battle exclusif. On a Evolution en 2D. Ouais, alors celui-là je le veux, mais il est cher. Et on a évidemment le fabuleux Sonic. Il y a aussi, si vous avez l'occasion, SNK versus Capcom, Card Fighter Clash, si vous aimez bien les jeux, voilà, ouais, c'est super cool ça. C'est une bonne console, c'est une console solide, quoi. Enfin, ça, c'est une super console à découvrir en fait, en ému. Ça s'émule vraiment très bien, et voilà. Parce que tu disais, ouais, moins de jeux. Même en boîte, on peut la trouver entre 80 et 100 euros en boîte, quoi. Donc, oui, voilà. Après, le problème, c'est les jeux. Hein. Les jeux. Moins de jeux japonais, j'avoue que la Logitech Neo Geo Pocket, pour moi, est quand même plus accessible que la Logitech WonderSwan. Non, mais WonderSwan, ils sont. WonderSwan. Il y a des jeux magnifiques sur WonderSwan, mais c'est full Jap. Mais vraiment. Beaucoup de jeux. T'as pas des Final Fantasy sur WonderSwan? Si, bien sûr. Avec des éditions collector d'ailleurs qui sont magnifiques. Oui, techniquement, elle était largement supérieure à Neo Geo Pocket. Quand tu vois WonderSwan, tu vois le on en parlait récemment, bien de c'est cher là sur WonderSwan. Le Senseiya, qui est l'adaptation justement du jeu sur NES, cette version-là, elle est juste dingue. Hein. Allez voir le Senseiya de WonderSwan, c'est fou. Hein. Je ne savais même pas que ça existait. superbe. Un truc. Et c'est exactement le jeu de la NES, hein, sauf qu'il a été refait. Et tu vas voir à quoi ça ressemble. C'est à tomber par terre, tellement c'est joli. Je suis en train de regarder ça. Wow, attends, ça a pas l'air mauvais ton truc. Ah ouais, non, il est très très beau. Mais là, comme dit. Là, c'est full Jap. Hein. Déjà, ouais, même en version française, le Senseiya sur NES, c'est juste un con. Enfin, on comprend rien. Alors en version japonaise, c'est même pas. Bon, petite question, vu qu'on arrive un peu à la fin du temps imparti. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme licence SNK qui continue à exister? On l'a pas évoqué notamment, mais King of Fighters oui. a continué à traverser le temps, oui. à se modifier, à connaître des versions plus ou moins bonnes, Maximum Impact. Oh la vache! Ouais, mais ça date. Mais dans les dernières, elles sont bien. Hein. Là, les derniers King of Fighters sont. Le 12 était une honte. Je peux le dire. Hein, Ouais, mais c'était l'époque de SNK Playmore. Là. Voilà. Ouais. Le 13 reste ces dernières années l'un de mes jeux baston préférés. Ouais, le 13. Était le 14. Le 13 était génial. Le 14, je n'aime pas. Ah, bah oui, j'aime bien. Pourquoi? Ben, le système auto-combo, jeu spam carré, je suis désolé. Ça peut être très sympa pour, si t'as un noob. Mais au bout d'un moment, tu t'aperçois que même ceux qui savent jouer aux jeux vidéo par flemme, ils vont te punir en faisant carré, carré, carré, carré. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est le 13. Voilà, super c'est pénible. Mais sinon, le 13 génial, en plus, les graphismes en 2D, ils envoyaient quand même du pâté, j'avoue. Le 11 était bien. Je me souviens, j'ai pas beaucoup joué au 11, donc j'ai pas vraiment. Très très peu joué. Sur moi, les coffres où j'ai beaucoup joué, c'est quoi? 94, 95, 98. 2001, et moi c'est jusqu'au 2001, ouais, jusqu'au 2002 en fait. Et après, voilà. C'est vrai que j'ai lâché l'affaire. Quoi. Et après, donc au niveau. Donc, on a dit, SNK Heroine qui en sort aujourd'hui, même si tout le monde. Enfin voilà. Un Samurai Shodown qui réapparaît. Oui, avec. Je suis là. Je d'avoir repris la patte graphique du Street Fighter 4. C'est ce que j'allais dire. Ça reprend les ancrages de Street 4. Ouais, voilà, puisque ce côté ancrage calligraphie japonaise, ça se marie super bien, justement. Avec moi, ça me donne sacrément envie. Ah oui, il a l'air. À moins vraiment que le jeu soit chié par terre, je pense le prendre. Ah ouais, moi aussi. Bon, faut espérer qu'il ne sera pas un PEGI 16. Ça me ferait chier. Parce que c'est quand même le genre de jeu que j'aime bien faire découvrir un peu. Ah, il risque d'avoir un peu de sang. Il risque quand même d'avoir un peu de sang quand même. C'est... Alors, je pense aussi avec les boobs aussi, certains persos, parce que c'est SNK. Oui, oui, oui. Il y a des chances en PEGI 16. Ouais. Ah, mais les personnages féminins de Samurai, ils sont pas trop. Je suis en train de me rappeler Nako. Parce qu'à part Nako Lulu, il n'y a rien, elle est tout le temps habillée. Oui, oui, mais bon, enfin, avec SNK. Ah, c'est pas Mai Shiranui, effectivement. Oui, bah, c'est ça que je pensais. Pas mal. Bon, enfin, SNK continue donc à faire prospérer ses licences. Donc, il y a là toujours la Neo Geo Mini. Il y a pas mal de façons aujourd'hui de racheter des jeux Neo Geo sur les consoles modernes, notamment sur Switch et PS4, où on a toute une série de jeux achetables à l'unité. C'est la ACA, s'appelle, c'est ça? ACA, oui, c'est ça. Voilà. Un petit mot rapidement sur les noms, juste la petite histoire d'SNK, pour dire que donc, lorsque, sentant la banqueroute arriver, le créateur d'SNK a créé donc la société Playmore pour pouvoir racheter les licences de SNK et finalement renommer sa société SNK Playmore pour finir par réhabiliter le nom SNK et le logo The Future Is Now en 2016. Je trouve ça tellement comment dire, bah ouais, puis tellement acharné, le type il dit non c'est sa boîte, c'est projet de sa vie, oui c'est sa boîte, hein, c'est... Et donc finalement bah oui c'était une bonne idée parce que pour l'instant enfin SNK vu qu'on est porté donc par tout le vent du rétro gaming en ce moment, c'était aussi le bon moment de le faire. Tout le monde, enfin, il y a plein de gens se souviennent des SNK. Les gens sont contents d'en trouver de jeux Neo Geo. Totalement. Et puis, s'il y a un truc qu'ils ont toujours réussi, je pense, avec leur jeu de baston, c'est les personnages, ils ont tous un charisme en fait. Ils ont réussi à faire des persos que tout le monde s'en rappelle, effectivement. Voilà, il y a les persos Street Fighter, je suis désolé, mais. tu les vois, tu dis, waouh, mais ils ont vraiment l'air naze. Ils respirent pas le charisme. Tu vas t'en rappeler, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Voilà. Et tu vois, on peut leur reprocher plein de choses à SNK, mais comment dire, leur Terry Bogard et tout machin, ils vont pas leur mettre une coupe de cheveux chelou, un strabisme divergent, non, ou un costume dégueulasse. Non, ils l'ont juste transformé en femme et les gens ont pleuré et hurlé au scandale. Bon, alors que je trouvais moi, ça m'a fait rire. Super stylé. En plus, le jeu, il est pas génial, donc c'est pour ça que ça m'a fait marrer. Oui, non, après, ça, c'est... ils ont fait du caca, après. Le jeu est fait avec les pieds, mais... après, oui, SNK, bon, en termes de plus ancien, oui, c'est la nostalgie qui parle. Moi, je suis content qu'il soit toujours là. Je suis content qu'il continue à sortir des jeux. Hein. C'est ça, prochain métal, super importante. Belle allait dire quelque chose. Oui. Donc, excusez, le prochain Metal Slug qui est en préparation. Ah oui, ça aussi. J'attends avec impatience. On parlait tout à l'heure. De toute façon, je pense qu'on en reparlera dès l'instant où il y aura des images. Totalement, ouais. Dès l'instant où il y aura du concret. Bah, sur le coup, on va passer à la dernière rubrique. Au jeu de petite pelle, ouais. Et là, j'ai envie de nous présenter un jeu. Non, mais attendez, mais je suis pas d'accord. Il y a la rubrique, en fait, nouvelle rubrique. Non. Si. Faisons prononcer. Alors, je mets dans le chat le nom. Et puis voilà, vous, voilà. Il faut aider petite pelle à prononcer le. Non, je plaisante. Non. Bon, je crois que c'est à moi, non ? Monsieur Bosdick, veuillez nous parler d'un jeu qui ne sera pas. Légende de Phorésia, non. Non, je l'ai fait une fois, je pourrais plus jamais le refaire. Ouais. Non, puis le principe, c'était un seul jeu, on en parle une seule fois. Hein. C'est, voilà, ah, ça, merde. Voilà, bah, c'est le principe. Il y a un mois, on a fait un podcast sur la difficulté des jeux. Et on se demandait si les jeux étaient moins difficiles maintenant. Et ça m'a fait penser à un jeu qui, à l'époque, s'est assis sur mon visage. Et je crois que c'est la première fois que j'ai eu aussi mal en jouant. Ce jeu, c'est un jeu Master System. T'es en train de dire que t'as joué à pire que Legend of Phorésia ? Non, c'est extrêmement. C'est pas la même. C'est pas pire de la même manière. C'est pas la même pire, ok, j'ai compris. Non, c'est pas pareil. J'ai eu plus mal en jouant à ce jeu-là qu'à Legend of Phorésia. D'accord, ok. Ce jeu-là, c'est un jeu qui s'appelle The Ninja. Ah, oh, Janine, super. Mm-hmm. Quelque part, je suis pas étonné que tu me sors ce jeu. J'aime ce jeu, profondément d'amour, hein, vraiment. C'est un jeu, c'est juste qu'il est dur, c'est dégueulasse. Après, Alex Kidd, c'est le jeu que j'ai eu après. Bon, après, il faut être honnête, je l'ai eu après parce qu'il faisait partie des jeux du pauvre de la Master System, vous savez, ceux qu'il y avait à 100 francs avec les jaquettes dégueulasses quadrillées. Donc, effectivement, c'était normal que j'aie ce jeu-là. Quoi. Je connais même pas, moi. C'est un jeu d'arcade de 85 qui à la base est avec une femelle, une femme ninja, mais quand Goichi. Ils sont sur SG-1000, Goichi, ouais. Ils ont décidé de mettre un monsieur. Tu sais pas pourquoi. Ils se sont dit une femme ça fait pas vendre, bim, monsieur. Ok. Donc ils sortent le jeu sur Master System, tout va bien, tu commences à jouer, tu mets ton pad en avant et tu meurs. Et c'est comme ça pendant tout le jeu. Guillaume souris, il connaît. Oui, oui. C'est-à-dire que voilà. Ça fait penser à moi quand j'ai présenté Contra 3 aussi. Tu fais 3 pas, t'es mort. Quand tu joues à Alex Kidd et que t'as quand même la difficulté graduée, tu vois. Commence, voilà, Alex Kidd, tu peux t'en sortir. The Ninja, il n'y a pas ça. C'est un jeu d'arcade de base. T'avances, tu meurs. Le truc, il est là. Tu meurs tout le temps. Et là où c'est plus rigolo avec The Ninja, c'est que si tu veux finir le jeu, il faut trouver les 3 parchemins. On te dit vaguement où ils sont, mais si tu les trouves pas, tu vas à la fin du jeu et on te dit « bah non, tu peux pas finir. Allez, hop, recommence. » Quoi ? Il n'y a pas de solution à l'époque. La cruauté. C'est, voilà. Après, le jeu, c'est un jeu d'époque. Graphiquement, ça reste un jeu relativement correct. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu... L'artiste du jeu, c'est Rieko Kodama. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Petite pelle, tu dois connaître. C'est occupé de toute la partie artistique et graphique de Phantasy Star. Ah ouais, d'accord. Ah mais c'est beau alors. C'est pas mal pour la Master. Honnêtement, c'est relativement correct. Après, je parle de Rieko Kodama parce que y a peu de gens qui la connaissent, mais je crois que c'est la première femme à avoir été véritablement connue pour son travail artistique. Ouais. Au niveau du jeu vidéo. Et quand on voit ce qu'elle a fait sur Phantasy Star. Ah oui, oui. C'est vraiment bien. On comprend aisément que. Et tu parles de la version Master System en plus, Phantasy Star. Ouais, ouais, non, mais tout, en fait. Elle s'occupait de tout Phantasy Star, Serge Kokodama, quoi. Du 1, du 2, du 3. Je vous mets dans le chat mon petit jeu préféré avec un Master System, Jaquette Pal, Jaquette Jap. Voilà. Ah oui. Tu vois tout de suite la différence. Ah, on rejoue à ce jeu des jaquettes. Nous, on a la mosaïque de caca. Non, mais les Japonais, voilà. En fait, j'ai une théorie. Je pense en fait que c'était un projet pour une école maternelle de faire les jaquettes de nos jeux Master System, non? Alors qu'elle est tellement jolie, la jaquette Jap, elle est tellement d'époque. Ouais, mais c'est ça. Monsieur Pell, le point de vue de l'artiste. Ah oui, non, c'est super beau, comme tu dis. C'est vraiment joli. La version japonaise. Nous, on a cette vieille. Heureusement qu'à l'époque, on n'achetait pas les jeux par rapport à la beauté des jaquettes. Hein, parce que... Oh ben la Master System... Non, parce que je me... C'était quoi le jeu de catch sur Master System où t'avais le Pro Wrestling? Pro Wrestling, ouais. Il y en a plein, enfin Afterburner, ce genre de truc. Mais c'est qui le nom de la personne qui faisait ces jaquettes? Est-ce qu'on le sait? Non, mais je sais pas. J'ai essayé de savoir un jour, j'ai essayé de chercher, mais on n'a pas de nom. J'adorerais... C'est Black Belt. On va faire un appel à témoins. Non, mais j'adorerais trouver cette personne et l'interviewer pour lui demander. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? Pourquoi? Comment ils en sont arrivés là? Enfin, je vous jure, parce que je suis sûr, il y a une explication qui doit être ouf. Bah, ils ont demandé au Gilbert Montagnier japonais. Fais-nous des trucs. Il y a une explication qui n'était pas japonais. Fissime, tu sais, en mode. Non, mais en fait. Je sais pas. Je comprends pas comment. Parce que même moi qui suis nul en marketing, j'oserais pas sortir ça. Non, carrément, c'est un truc de fou. Hein. C'est un concept, mais Black Belt avec un pied en l'air. Oui, Black Belt, putain, j'ai oublié celui-là. Mais pour revenir au jeu, en fait, c'est un peu du genre d'Ikari Warrior. Non, c'est un run and gun. C'est totalement, ouais, c'est totalement un run and gun. D'accord, ok. Un run and gun avec une difficulté monstrueuse. En plus, c'est pas dû à la maniabilité. C'est vraiment difficulté d'époque, jeu d'arcade. Ouais. Ils ont retranscrit tel quel, ils ont juste mis des graphismes un peu plus réalistes pour les versions consoles et enlevé la femme, quoi. Ils se sont dit ça vendait pas. Et c'est dommage, quoi. Après, le jeu en lui-même reste un jeu typique de l'époque. Mais c'est un jeu que j'aime énormément, mais que j'ai jamais fini. Et que même encore, des fois, j'en rêve la nuit. Non ! Donc effectivement, les jeux d'époque étaient plus durs. Maintenant, tu ressors exactement le même jeu. Je pense qu'il y a des manettes et des consoles qui volent. Ah oui, il y a des chances. Hein. C'est pas une blague quand je dis que j'ai commencé à avancer, je suis mort tout de suite. Et je sais pas si tu te rappelles Beyond, les loups. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce genre de Regarde un let's play, quand tu reverras les loups, je pense que ça va t'éveiller de mauvais souvenirs. Avec des patterns totalement aléatoires, tu sais jamais où ils vont. Il y a des types qui apparaissent comme ça, tu sais pas d'où, tu te prends des étoiles dans le derrière. Par contre, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils étaient quand même un peu gentils. Il y avait une feature qui pouvait te faire disparaître quand tu appuyais sur les deux boutons en même temps. Sauf que quand tu le faisais, que tu réapparaissais, c'était le moment où tu avais qu'un projectile qui te venait dessus. Merci. Il a été adapté sur une autre console ou... J'ai pas l'impression, hein. Juste arcade, SG-1000 et Master System. Et après, rien. Il n'y a pas une version PC, quoi que ce soit, enfin micro-ordinateur, rien du tout. Non, j'ai vérifié et tout. Okay. Realiste, vraiment. C'est marrant, un jeu qui pourtant a pas eu. Qui a eu un bon succès quand même. Hein. C'est un jeu qui est vachement aimé au Japon et tout, mais. En plus, c'est vrai qu'il faisait partie d'un pack de jeux qui avait été sur Master System où tu avais Black Belt et Kung Fu Kid. Mmh. Au même moment, c'était les trois jeux de Kung Fu de la machine, quoi. Et c'est celui-là qui a eu le plus de succès. Et qui était considéré comme le plus amusant à jouer. Pourquoi le terme d'amusement à l'époque n'était pas le même que maintenant. C'était la souffrance. Oui, j'en parle encore maintenant. Et que j'ai mal en y parlant, c'est que vraiment il m'a marqué. C'est vraiment, à chaque fois que tu nous présentes un jeu, c'est un qui t'a fait roter du sang, quoi. C'est... Oui, mais lui, il m'a fait roter du sang parce que il était super exigeant. Les gens de Forésia, ah, il est pas exigeant. Les gens, les gens de Forésia, tu l'achètes. En plus, il te vomit au visage. Non, non, non. Mais les gens de Forésia, il est exigeant parce qu'en fait, quand tu lis la traduction, t'as mal. Et quand tu comprends le scénario, t'as encore plus mal. Il est exigeant à te faire mal. Ouais. Il est bien à te faire mal. Soit dit en passant, puisque tu évoques Kung Fu Kid, parce que parce que ça m'amuse toujours autant, je suis désolé. La jaquette pâle de Kung Fu Kid. Elle est dégueulasse. Non mais c'est pas ça, c'est que même au niveau du mouvement... Oh putain, j'ai oublié ça aussi. Les trois traits qui symbolisent le mouvement, tu sais... La jaquette japonaise. Non mais c'est pas grave, je suis désolé, j'ai réveillé des monstres. Ouais non, moi c'est abusé là, c'est abusé. Mais... Oh là là, ouais. Mais vraiment, faut... Ouais, non mais je vous jure, c'est le même jeu. Tu devrais leur donner des cours pour exprimer le mouvement de petite pelle. Il faut la trouver, cette personne. Enfin, les ou la trouver, je sais pas, mais c'est personne. En plus, jure, attendez, attendez. Pour être sûr de bien comprendre, la jaquette du Kung Fu Kid, pourquoi le pied droit, il a une chaussette et le pied droit, il a pas de chaussette? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il était trop pauvre pour acheter deux chaussettes? Je comprends pas. Ça m'obsède. Je suis désolé. Je crois que c'est comme non, dirait Eric et Ramzi, je n'ai pas d'autre explication. Il faudrait se renseigner parce qu'il y a un mec qui a fait toute une enquête sur la jaquette des Phalanx sur Super NES. Oui. Sur Phalanx, oui, il y avait un lien. Et bah, je suis sûr, si ça se trouve, cette personne-là, elle a fait une enquête sur les jaquettes Master System. Je sais pas. Il faudrait s'en saisir, ça m'intrigue. Je ne comprends pas. On a une théorie dans le chat, c'est Iris Skyler qui nous. En fait, il a lancé sa chaussette, c'est son arme. Ah. C'est comme pour ça qu'il porte une chaussette. C'est comme le lancer de tongs du bled, mais là, c'est le. Bah, tout ça pour dire que c'est heureusement que je me fiais pas aux jaquettes pour acheter mes jeux à l'époque, autrement j'aurais eu aucun jeu. Donc, c'est tout pour le moment. Puisqu'on parle juste d'artwork, Master System, je vais juste parler rapidement d'un petit truc, puisqu'on parle d'un Master System, ça tombe bien. Pour les gens comme moi qui ont backé le compendium Master System, qui effectivement devait sortir en février et n'est pas sorti, il va arriver d'ici le mois de mai, donc je ne sais pas si j'en ai parlé, mais les entrepôts où étaient stockés les bouquins en Chine ont pris feu. Destruction totale de l'intégralité du stock, ils ont été obligés de les réimprimer. Mmh. Voilà. Et donc, faire une blague, mais c'était trop tôt, je crois. Ça a pris quelques mois de retard, mais ça arrive, ne vous en faites pas. Ça a été réimprimé, les bouquins sont prêts, ils vont commencer à être expédiés pour une réception attendue début du mois de mai. Mais on attend ta revue avec impatience. Donc pas trop longtemps. On a déjà le PDF, donc on sait déjà à peu près ce que ça va donner, le temps d'avoir le bouquin entre les mains. Après, j'ai déjà des bouquins de cet éditeur, c'est généralement de la bonne gamme. Hein. Mais là, voilà, il est arrivé un malheur assez exceptionnel. Savoir pour le coup c'est pas pour là. Ok, donc je pense que l'on a fini, non? Oui, je pense qu'il est l'heure de nous quitter. Nous a encore pas donné envie de jouer à un jeu. Non mais jouer à The Ninja, il est très bien. Bon, la prochaine fois, alors, je vous présenterai un jeu immense. Désolé, je n'ai pas fait de points collection. The Ninja va vous coûter rien. Bah non, bah oui, que dalle. Quoi, ça. On fait un podcast si on n'a pas un print Billy Mitchell, donc ça va, c'est cool. Non, parce que non, mais The Ninja, tout le monde s'en fout, il n'y a que moi qui m'en rappelle. Je pense pas que tu dois être le seul. Non, il y a Yas. De Boss Eyas qui fait des spin-offs, qui connaît très bien The Ninja et qui, lui, roule dessus. Et quand je le vois jouer, ben. Ah oui. Je me sens nul. Alors, sur le coup, très bien. Sur le messieurs, dames, nous allons nous quitter. C'est ça, oui. Donc, quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose, non? Non, je pense que. Nous allons remercier toutes les personnes qui étaient là ce soir, qui et nous qui ont écouté, qui ont participé. Ouais. Même ceux qui n'ont pas participé, c'est très bien, on est super content que vous soyez là. Un petit coucou à tous nos viewers, nos écouteurs YouTube. Et non, je ne ferai pas ma blague. Non, tu peux plus pop. C'est sûr. Voilà. Et bonne nuit à tous. Et à une prochaine fois, on ne sait pas quand, on ne sait pas avec quoi, mais à une prochaine fois. On arrête les promesses, hein, voilà. À très bientôt. Voilà, faut dire aussi, on a quelques semaines aussi avec mon déménagement et tout machin, ça a été un peu compliqué, mais voilà. Oui. Mais on est toujours là, de toute façon. Voilà, de toute façon, on est toujours là. Et nous reviendrons bientôt avec un générique fait par nous-mêmes à la bouche pour éviter d'être strikés. Et oui, et par d'autres organes aussi, mais... Je vais y travailler très prochainement. Allez, des bisous. Des bisous, les enfants. Au revoir. Au revoir.